Est-ce qu'il y a un cadeau au bout? toujours, c'est le mais meilleur. C'est marrant, je vais vous dire simplement un exemple, en deux mots. Ouais. Dans, certaines communautés, dans certaines communautés traditionnelles africaines, il y a des sites, il y a des rites d'initiation, où ils sont isolés, ils vont dans la forêt, ouais. Ils sont entre copains, bref, c'est vraiment un rite d'initiation. Et il y a un rite masturbatoire qui consiste à ensemencer la terre, qui se masturbe dans un truc dans la terre, ils éjaculent tous là-dedans, voilà. Quoi? Ils font l'amour à la terre? Oui. Ok. Bon, alors les gars, je sais pas ce que vous allez en faire. Hein. Faites un trou dans le jardin. Faites un trou dans le lit du voisin. Hein. Dans le lit du pion. Non mais alors, qui gagne le concours de branlette à chaque fois? Bah c'est moi. C'est qui? C'est Louis, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Hein, qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Tu gagnes. Compris. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Bah on comprend pas ta question. Bah ouais, être le plus rapide, qu'est-ce qu'il faut? Bah il faut piner au bon endroit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi, Alice? Non, j'ai dit un truc horrible. Il faut piner au bon endroit. Mais bien sûr. Non, mais voilà quoi. On termine en beauté cette émission. Là, ils sont à l'ouest. Ouais. Bon, et la branlette collective commence à quelle heure, là, les gars là? Dans une minute. À 22h. Bah pile poil quand Marion Enzo commence, ça m'étonne pas. Hein. Ça donne une certaine dose d'excitation. Les mecs, bonne branlette à vous et on embrasse tout le bahut là. L'internat MFR à Vignoles, les Haletons, Châtel dans la Meuse et on va vous envoyer des capotes. Hein. Ouais. Hey. On veut des capotes. Salut les gars. Salut. Salut les mecs, c'est cool l'internat, souvent on nous appelle et tout, est-ce que c'est bien l'internat? Bah franchement vous voyez, vous tapez des barres avec les potes et tout. 01 42 48 5000 toute la soirée, le numéro de téléphone sur Fun Radio. Dès demain on sera là de retour à partir de 20h sur Fun Radio, on va retrouver les filles, le Night Show, Marion et Anso. Bonsoir les filles. Oh, elles sont pas prêtes. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas prêtes? Bah si, toujours, attends. Je rigole quoi. Ouais, on raconte toujours des trucs un peu bizarres. Non Cassim, qu'est-ce que tu vas dire là? Alors, je voulais balancer un dossier, mais vas-y le dossier. Non, balance. Mais d'abord, je voulais dire au revoir à notre auditrice du soir, Estelle, que j'allais presque oublier, mais pas du tout. Tu l'as oublié, Estelle, ma chérie. Oui, Karel. On te fait des gros bisous. Tu avais passé une petite annonce pour un boulot et on va continuer de. Il y a eu quelques appels, mais pas très très intéressants. Donc on va continuer si tu veux bien, Estelle, voilà, de donner un petit coup de pouce et on va essayer de t'avoir un truc, d'accord? Ouais, c'est super sympa. Et dis, je peux passer un petit message? Mais bien sûr, vas-y Estelle. À ma grande sœur Annie de Lille, que je fais un gros bisou, qui m'a dit qu'elle m'écoutait ce soir de grandes oreilles. Et un gros bisou à mon filleul Nolan, ma petite nièce Clara, son chéri Sylvain, c'est et beau. Puis bien sûr mon homme Cédric que j'aime de tout mon cœur. Qui nous rend tous jaloux ce soir. Salut Estelle. Et oui. Ciao. Bisous gros à tout le monde. Bisous ma chérie. Bisous. Je balance le dos ou pas les filles? Ouais, si tu veux. Bah oui. Alors en fait rien ne va plus, c'est la guerre entre Anso et Marion. Je vous le dis. Non parce que c'est voilà. De mec. Non mais ça a buzzé cette histoire. Hein. Non mais en fait Cassim m'a rapporté quelque chose. C'est-à-dire qu'il a surpris Marion en train de mater. Mais sévère. Genre vas-y prends-moi violemment. Oh, non. Le petit Guillaume du standard. Non, j'ai vérifié que le petit lot était toujours le petit lot. Mais de toute façon, il y a aucune guerre puisqu'il y a que toi, Karel, dans mon cœur. Voilà, le problème est réglé. Ça me fait super plaisir. Et que je me demande bien quel membre de l'équipe du Night Show a envie de pécho le doc. Hein. Je t'ai dit personne et personne. Enzo, j'ai l'impression. Il y a un rapprochement. Il y a un délire avec le doc quand même. Qu'est-ce qui t'excite chez lui, Enzo? Moi, je pense que c'est son faciès. Très bonne réponse. Bonne émission, amusez-vous bien, les filles. Ciao. Salut. C'est le Night Show sur Fun Radio. Bonjour, je suis Olivier du Night Show. Vous passez une soirée ennuyeuse? Si cette soirée se trouve entre dimanche et jeudi, on injecte dans votre radio notre résine spéciale faite à base de Marion et Anso. Et bim, votre soirée est sauvée de 22h à minuit. Et en plus, vous n'avez rien à payer. C'est ça le Night Show sur Fun Radio. En prime, on vous offre un pack tout amour d'une valeur de 85 centimes d'euros. Faut pas rater ça. C'est le Night Show sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, les Beurs. C'est Marion et Anso. Et il est 22h03. Nous sommes en direct comme chaque soir. On espère que vous avez passé un bon mardi. On est bien mardi? Oui, on est bien mardi, oui. Ah bah, je suis perdue, les jours défilent à une vitesse. On espère que ça va, en tout cas, on va passer une soirée de ouf avec vous ce soir, c'est promis. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Marion Gagnouf, bonsoir à tous. Comment bonsoir. Ça va? Très bien, petite pensée là pour ceux qui ont vécu des intempéries ce soir. Il y a eu pas mal d'intempéries sur la côte ouest. Big up. De l'orage, de la grêle, tout ça, parce que ça débarque. Hein, je vous rappelle que dans 8 jours, c'est l'automne. Ah déjà? Eh ben ouais. Ah, c'est triste. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on s'est marré avec Anso puisqu'on a téléchargé la dernière version de iOS 10, c'est ça? Non, iOS 10 tout court. Hein. iOS 10, oui, c'est vrai. C'est je sais pas film, pourquoi je rajoute des trucs. Bon. Et bah du coup j'ai trop de mal à m'y faire, je vous le dis hein. Moi aussi, alors ils ont changé, il y a plusieurs fonctions qui ont changé. Notamment quand tu envoies les e-messages, tu peux envoyer des messages, des dessins maintenant. C'est assez bizarre. Mais j'aime pas, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas du tout, il y a trop de trucs en fait. Ouais, c'est un peu chelou. Et puis les emojis aussi ont changé, c'est-à-dire qu'ils nous ont changé le pistolet en pistolet à eau. Ouais. Alors je vois avec le hashtag iOS 10 sur Twitter que tout le monde crie. Mais je trouve que c'est plutôt bien moi. Bon, ça sympa, ouais, anti-violence, ça, hein. Nous on combat avec de l'eau quoi. L'image est hyper sympa. Pas faux. En tout cas ce soir on va jouer ensemble puisque le double fun va débarquer dans le Night Show. Vous appelez bien au 3228 dès que vous entendez deux Justin Bieber à la suite. Pour assister à son concert, ce sera le 21 septembre à l'Accord Hotel Arena. Bougez pas parce que ça va vraiment débarquer dans quelques minutes. J'aimerais bien y aller. Bah tu n'iras pas. Bah pourquoi? Ou alors tu appelles le 3228 comme tout le monde. Il y a rien de prévu pour les animateurs de fun histoire de faire des petits reportages là-bas tout ça. Je sais pas. Et Marion, est-ce que tu vas vraiment faire un reportage? Bah puis surtout Justin Bieber, il joue le lundi et le mardi, donc c'est-à-dire qu'on est à l'antenne nous hein. Ah bah tu vois, un reportage pendant l'antenne. Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas mal, on va le proposer. Il y aura aussi le Pokélos, le pourquoi tu m'appelles, et puis on aura aussi Damien ce soir. Aïe. Damien est un auditeur de Fun Radio qui veut passer avec nous depuis très très longtemps, et en fait, il arrive à intimider les animaux avec une pierre ésotérique. Mmh. Mais qui du coup a une incidence un peu sur sa vie puisqu'il ne peut plus nager. Alors je vous le dis comme ça, c'est un peu pêle-mêle, mais on va découvrir ça tous ensemble tout à l'heure. D'ailleurs on parlera pouvoir tout à l'heure, oui. Tout ce qui est guérisseur, etc. Et Anso, sache que je t'ai réservé une petite surprise. Je ne t'en dis pas plus, tu verras, mais ça devrait t'intéresser. Ah, c'est-à-dire que, non, parce que tout le studio me regarde avec un sourire, vous êtes tous au courant en fait. Oh bah j'ai 2-3 complices, oui, ouais, d'accord. Pour le son, on va s'écouter Soprano ce soir, ça va te plaire. Ce soir, je suis en feu, je suis en feu. Sopra qui sera notre invité mardi 20. Bah mardi prochain tiens. Ouais. On lui réserve des surprises aussi. On va aussi se faire Sam Felt tout à l'heure. Hyper bon ça. Et comme d'hab, si vous avez envie de choisir un titre, allez-y la 01 42 48 5000. On n'est pas fermé. Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Salut les filles. Ça va? Bon alors Amir, il est ronchon de l'iOS 10 lui. Non mais depuis tout à l'heure, il envoie des trucs à tout le monde là. Je suis pas un cobaye. Arrête de me tester là. Ça me saoule. J'envoie des dessins. Oui. Alors, je fais des super beaux dessins depuis tout à l'heure sur l'iOS 10. Bah attends, tu sais quoi? Fais un screenshot là et on va le mettre sur la page Facebook. Ah, on va montrer aux gens. J'ai une des zizi. Ah bah c'est une tête de bite. On va peut-être pas mettre ça hein. J'ai envoyé ça à tout le monde. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses toi? Eh bah, je trouve ça cool sauf un seul truc, la suggestion des mots là dans les SMS, ça me prend la tête. Dans l'ancien iOS 9, on pouvait le désactiver, on le baissait, ça partait. Mmh. Et là, dans l'iOS 10, ils nous forcent à l'utiliser. Et je déteste quand Apple nous force à utiliser leur truc de merde. Oh, le coup de gueule d'Amir, il est pas content, hein. Ouais. Non, mais par contre, le reste, c'est hyper stylé parce qu'il y a un truc hyper cool. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, il y a plein de vidéos sur YouTube et sur Twitter avec le hashtag iOS 10. En gros, si je reçois un SMS de quelqu'un, je suis pas obligé de répondre ok ou lol. Maintenant, je peux réagir avec une réaction. Oui, c'est vrai. C'est ça. Tu peux mettre un pouce en l'air, un cœur et tout. C'est vachement bien. Qui va se coller au SMS. Ouais. Et du coup, ça évite de relancer la discussion. Et bah, dites-nous ce que vous en pensez là. Hashtag le Night Show. Et puis, bah, évidemment, on est sur les réseaux partout. Marion et Anso, Facebook, Twitter, Insta, Snap. La totale. Bonsoir, Thibaut Alaria. Coucou les filles, ça va? Ça va et toi, Bichon? Ouais, ce soir, vous êtes encore plus belle qu'hier. Hein. Oh, ben, merci. Ça me donne envie de vous envoyer des wagons de baisers sur des rails de tendresse, tout ça. Oh là là, hashtag ringard celui-là quand même. Hein. Ouais, en fait, faut faire attention parce que trop de romantisme en général, ça fait fuir un peu les nanas aussi. Ah merde. Mais je te les prends tes wagons. Bon, moi ça aussi, va, je le prends aussi. Bon, ça me va. Bonsoir Enzo au standard. Salut les filles. Comment ça va? Ça va super, comme une personne qui a perdu 230 euros aujourd'hui, mais ça ah va. Oui. Ouais. Ah oui, ça c'est l'histoire du jour. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta voiture? Eh ben alors, hier soir, je sors de la radio et finalement, ma voiture a disparu. Donc je me suis dit, quelqu'un m'a volé ma voiture, mais bon, vu que c'est une vieille voiture, c'est pas possible. Du coup, je me suis fait embarquer par... La Fourrière. La police, quoi. Et en plus, il était pas mal garé, je tiens à le préciser. Ouais. Il y a juste une nouvelle loi qui est passée, il faut pas se garer à moins de 5 mètres des passages piétons. C'est ça. On le savait pas, donc ta voiture a été enlevée et celle de Guillaume du standard de Love in Fun aussi. Ouais. Quel dommage, il va falloir aller le réconforter. Ah ouais. C'est sûr, et moi, on s'en a rien à foutre de moi, de toute façon. Ambition. C'est fait. Bon, pas de premier auditeur ce soir à présenter puisqu'on le connaît déjà. On a un envoyé spécial, c'est notre auteur Béric. Il est au stade, les gars, pour le match PSG-Arsenal. Du coup, ouais, on va voir ce que ça donne. Alors, Béric, ça fait des blagues au stade, des blagues au stade. Salut l'équipe, ici c'est Paris. C'est l'ambiance, c'est une grosse folie ce soir au Parc des Princes. Raconte... Le PSG mène 1-0. Ouais. Et je, pour tout vous dire, j'ai raté le but parce qu'il a été marqué la deuxième minute, tu arrives en retard. Ah merde. Oui, je vais pas aller. Et là, du coup, qui domine là? C'est Paris? C'est Paris qui a le ballon, mais on se fait un petit peu peur là. Arsenal commence un peu à nous bouger. Donc je vous le dis, je sens l'égalisation arriver. Voilà. Okay. Ok, eh ben écoute, tu nous tiens au courant, mon pote, et si tu veux passer une dédicace, un truc, c'est le moment. Ici c'est Paris. Béric, on t'embrasse. Bisous. Bonne soirée. Et ciao. Il peut avoir une carrière dans le commentateur sportif, le gars, quand même. Il est super bon, calme au bureau, mais là-bas, il pète un câble. Thibaut, enlève-moi cette merde. C'est pas possible, ça me fait trop rire. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On aura Kevin. Kevin, il habite Châteauroux et il lui arrive un truc un peu bizarre. Oui. Il va emménager avec sa copine, sauf qu'il vit déjà avec quelque chose. Je vous dis maintenant? Ouais, bah je oui. Vous dis. Il vit avec un rat, en fait. Donc, il sait pas quoi choisir, il sait pas comment faire, comment amener le rat à sa copine. Est-ce que vous vivez avec un animal de compagnie comme ça, un peu atypique? J'ai des trucs à dire. Eh bah, appelez-nous 01 42 48 5000. Mais est-ce que t'as vraiment des trucs à dire ou pas? Ouais, vraiment. Bon, et bah restez avec nous rien que pour la réaction d'Amir. Une anecdote de ouf avec un rat. Le double fun va débarquer aussi dans un instant, et puis Martin Garrix tout de suite. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence. When there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. C'est Marion et Anso, le Night Show, et c'est un kiff de passer nos soirées avec vous. Vraiment, on est contente d'être là. Voilà. C'est ça. On fait de la radio ensemble, appelez-nous la 01 42 48 5000 comme Kevin qui a un souci avec sa meuf et son animal donc. Hein. Bonsoir Kevin. Salut Marion, salut Anso. Ça va Kéké? Ça va et vous les bêtes? Non, non, non, pas les bêtes, c'est beurre en fait. Sinon on serait des chèvres. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait moi c'est que bon j'ai mon petit appart et tout et je vis avec mon rat. Ouais. Qui n'est pas en cage, qui est tout seul comme ça dans la maison, qui enfin voilà, qui fait sa vie quoi. Et il y a ma copine qui doit venir avec moi, enfin qui veut emménager avec moi, sauf que en fait elle a peur des rats et elle me laisse enfin en gros elle me laisse un dilemme, c'est soit je choisis mon rat, ou soit je choisis elle. Ah oui. Et attends, donc Kevin, ça doit faire quand même un petit moment que vous êtes ensemble, donc elle doit bien connaître ton rat. Bah ouais, mais elle a jamais pu le supporter, tu vois. Et pourtant, bon, ça fait 3 ans que je l'ai, le rat, voilà, ma copine, ça fait à peu près 2 ans, tu vois. Et genre, voilà quoi, elle veut vraiment pas, enfin, elle me demande justement de faire soit elle, soit le rat. Et voilà, je sais pas trop quoi choisir, quoi. Parce après, que je l'aime super fort et tout, mais mon rat aussi, quoi. Bah ouais, et puis tu vas pas t'en séparer, le pauvre, il va pas l'abandonner quand même, ce serait horrible. Comment il s'appelle ton rat, Kevin? Franchement, je lui ai donné un nom, mais courant, je l'ai appelé Kevin. Aussi. Kevin? Comme moi, oui, je l'ai appelé comme moi. Ah d'accord, hyper narcissique, c'est horrible. D'accord. Il a un boulard, le mec. Bon, alors moi, je te le dis, moi, je suis à fond avec les animaux, donc déjà, je suis team rat. On va voir ce que les auditeurs en pensent, mais évidemment, je vais défendre ton rat, quoi qu'il arrive. Bon, et ben tu sais quoi, je te mets au défi, moi, je vais essayer de défendre ta meuf. Je vais être du côté des meufs, Kevin, d'accord? Ouais. Non, il a pas l'air à fond. Hein. Ouais. Bon, tu sais quoi, on va préparer un petit truc avec Marion pour essayer de peser le pour et le contre et faire une liste de l'avantage de vivre avec un rat et l'avantage de vivre avec une nana, d'accord? Ouais, d'accord, ok. Bon, alors reste avec nous, Kevin, et puis vous, nous, appelez-nous 01 42 48 5000 si vous avez déjà vécu avec des animaux de compagnie un peu chelou. Amir, tu nous disais que t'avais un truc avec un rat, toi, c'est oui. quoi? Oui, ah, je voulais que vous disiez tout de suite. Oui, bah, ça dépend si c'est long ou pas. Non, c'est hyper rapide. Vas-y. Alors, une fois, il y a ma pote qui a 2 rats, un noir, un blanc. Et en fait, elle a un de ses rats qui a mordu les couilles du gars avec qui elle a baisé. Mais non. Ah, je vous jure que c'est vrai. Genre le rat, il est venu dans le lit. Ouais. Mais c'est pas possible. Ah, assure, bah écoute, il a peut-être la dalle. Allez, bougez pas, on revient tout de suite. C'est où? Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première Start Edition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris. Tu déposes le CV et t'attends sagement la réponse. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job avec mon pigeon voyageur. T'es sérieux, là? Bah oui. Non, mais laisse ton pigeon tranquille. Il faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace, pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Mais je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en 1 minute, postulez en 1 clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, t'as hérité? Non, 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Méné. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. C'est la Champions League. Paname, c'est la Champions League. Night Show, c'est la Champions League. Marion c'est la Champions League, Anso c'est la Champions League. Amir c'est la Champions League, votre radio c'est la Champions League, c'est la Champions League. Écoutez Marion et Anso. The Night Show. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et allez voir la vidéo où MHD piège Black M dans cette émission. Elle est sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Il est vraiment sympa ce MHD. Hein. Ouais. En plus, il a fait le jingle, on lui a rien demandé. Il est allé en prod, il a tout enregistré tout seul, hyper sympa. Ah, c'est lui qui a fait le montage. Hein. La totale, mon gars. Et là, c'est lui qui est venu le diffuser. Bon, on fait de la radio ensemble avec Kevin. Il a un souci avec son rat, Kevin. En gros, il doit choisir entre le rat et sa copine parce que sa copine ne veut pas partager la cohabitation avec cet animal atypique. Ouais. Anso, je sais que toi, à part Wacha, t'as pas d'animal atypique, t'en as jamais eu. Oui, mais ouais, Wacha, elle a quand même le don de faire fuir. Elle a déjà fait fuir un mec de chez moi. Oui. Il y a pas très longtemps. Parce qu'elle est chiante, parce qu'elle lui mord les pieds et tout. Il était obligé de partir à 5h du mat, il pouvait pas dormir. Oui, c'est vrai. Elle lui sautait dessus tout le temps. Amir, est-ce que t'as déjà eu, toi, un animal atypique chez toi? Jamais. T'as juste les blattes qui te servent de sourcils, toi, mais à part ça, t'as... Non. C'est atypique quand même. En même temps, tu cherches aussi, Amir. C'est vrai que j'avais pas pensé. Enzo du Standard, ouais. Est-ce que tu as eu un animal, toi, un peu chelou ou pas? Ouais. Bah, moi, quand j'étais petit, je collectionnais les mouches. Quoi? Ouais, j'avais plein de petites mouches dans un bocal. Mais si t'as des mouches en animal de compagnie, c'est qu'il faut se poser des questions sur l'hygiène. Ouais, bah justement, j'ai grandi après. Mais c'est hyper méchant de garder des mouches dans des bocaux comme ça, elles devaient mourir. Bah non, en fait, elles étaient comme ça, en kiff, elles étaient en boîte quoi. Mais en kiff de quoi? En kiff, mec, arrête. Bah, je sais pas, j'étais petit. Non, mais faut pas faire ça, ça reste un être vivant quand même. Bah oui. Bon, Kevin, lui, il a un rat, en même temps, c'est compliqué, un rat, c'est un peu la queue d'un rat, c'est. Ouais. Oh. Le rat, c'est compliqué. Mais il est mignon, mon rat. Ouais, mais en fait, je pense que ce qui fait peur à ta chérie, c'est qu'il soit en liberté, tu vois. Il serait dans une cage et tu le sortirais de temps en temps, mais là, en gros, elle va aux toilettes, elle peut trouver le rat, elle va dormir, elle peut trouver le rat, c'est un peu compliqué à accepter quand même. Bah ouais, enfin voilà, c'est quand même, enfin, c'est comme si j'avais un chat, comme si j'avais un chien, mais sauf que moi, c'est un rat, quoi. Oui, ben on a bien compris, Kevin, le principe d'avoir un rat de compagnie, quoi. Mais Kevin, tu n'es prêt à aucun compromis, c'est-à-dire que t'es pas prêt à mettre une cage, etc. On est d'accord qu'il faut que tu choisisses entre ta chérie et le rat, du coup. Oui, voilà. Enfin, même s'il est en cage et tout, elle peut pas supporter un rat dans la maison, quoi. Mais ça doit être sale, quand même. Non. Bah non. Je prends soin de lui. Voilà, tu vois, genre je le nettoie et tout, mais comme si comme si c'était vraiment un animal de compagnie, quoi. Non, mais je comprends bien, Kevin. Mais c'est-à-dire qu'un chat, ça a l'instinct d'aller dans une litière pour faire ses besoins. Un chien, ça, tu l'éduques pour qu'il aille dehors. Là, j'imagine que Kevin, ton rat. Ah oui, bah oui, voilà, oui. Il fait un peu partout. Ah, tu marches dans la merde toute la journée, quoi, c'est chaud. Oui, Enzo. Ouais. Kevin, est-ce que tu prends ta douche avec ton rat? Non. Bah, mec, il va pas sous l'eau, le rat. Bah, pardon, mais le rat, il va partout. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est un rat amphibie, ouais. N'importe quoi. Bah, le rat va sous l'eau, le rat nage. Bah oui. C'est vrai, ça défie. Hein. Oui, bah le chat aussi, mais je prends pas ma douche avec quoi, chat? Oui, mais le rat, ça le dérange pas, l'eau, par exemple. Alors que les chats n'aiment pas ça. D'accord, ben je savais pas que t'étais spécialiste en rat, excuse-moi. Non, le gars, c'est un animal. Bon, Kevin, ce qu'on va faire, j'ai préparé des arguments pour que tu choisisses le rat. Anso a préparé des arguments pour que tu choisisses ta chérie. On va s'affronter maintenant et tu choisiras après la meilleure, quoi. D'accord. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Ok, c'est parti. Anso, je commence? Okay, vas-y. Moi, je pense que déjà, premier argument, le rat coûtera moins cher niveau bouffe. Ça, c'est vrai qu'une meuf. On est d'accord? Bon, ça c'est pas faux. En même temps, si t'as froid la nuit, Kevin, ta meuf elle peut plus te tenir chaud que ton rat. Bah, c'est faux, hein. Bah, non. Tu t'écharpes au calme, le rat. Bah, non. Le rat il va jamais t'interdire d'aller voir tes potes. Ah! Qu'est-ce qu'elle a à dire à ça? Bah, en même temps, ta meuf elle rongera jamais les câbles électriques. C'est pas faux. Ah, okay. Le rat il fait certainement de meilleures chatouilles. Ah oui, ça chatouille un rat. Ouais, c'est pas faux, mais en même temps, même si les crottes de ton rat, de ta meuf puent. Elle fera jamais caca partout dans l'appart en même temps, Kevin. Écoutez, j'ai paniqué et je l'assume pas du tout, ce truc. Moi, Kevin, j'ai un truc à te dire. Le rat ne fouillera jamais dans ton portable. C'est vrai, mais en même temps, tu pourras jamais partager ton loyer avec ton rat, alors qu'avec ta meuf, tu peux. Mmh. Ah, bête. Oui, mais s'il est comme le rat de Ratatouille, il peut aussi faire la cuisine, le rat. Ah. Ouais, mais il fait pas le ménage alors que ta meuf, elle sent bon, ça sent bon une fille, ça fait attention, ça range le linge. Ok. Ouais, c'est hyper sexiste. Que Kevin. Je J'ai l'argument fatal. T'écoutes? Ouais. Le rat, il a une grande queue, donc il comprend forcément les hommes. Ouais, mais moi, j'ai le vrai argument, Kevin. Pour toute relation sexuelle, globalement, c'est mieux d'avoir une chatte qu'un rat dans son appart, Kevin. Oh bah, c'est classe, ça. Ouais, mais il y a les putes. Ça va pas, Kevin. Bon, Kevin, on t'a donné des arguments. Est-ce que tu vois un petit peu plus clair entre le rat et ta copine? Ouais. Ouais, si, quand même, mais je suis toujours sur l'idée de garder mon rat, tu vois, à la place de ma copine. Ouais, mais après, que voilà. Je me dis, ça fait quand même 2 ans avec ma copine et tout. On n'était pas ensemble. Enfin, je veux dire, on peut très bien continuer à vivre comme ça sans qu'elle soit avec moi, quoi. Je pense que tu peux y aller doucement. Il va falloir que tu fasses accepter ton rat à ta copine. C'est-à-dire qu'effectivement, l'emménagement, c'est peut-être un peu rapide, mais il faut que petit à petit, ta copine apprivoise le rat. Ouais. Et voilà. C'est ça, qu'elle vienne dormir plusieurs fois chez toi par semaine, mais elle n'est pas obligée de s'y installer tout de suite. Ouais. Tu vois ? Ah oui, c'est pas bête, remarque. Ouais, c'est pas bête. Faut y aller petit à petit, Kevin. T'as bien fait de nous appeler. Tu vois, hop, tu repars avec des wagons de solutions. Bête-elle. Bon, moi, Kevin, tu peux rester là si tu veux. On a posé la question aux gens s'ils avaient déjà eu un animal atypique. On a peut-être des propriétaires de rats au standard. Ouais, il y a Émilie à Marseille. Bonsoir, Émilie. Coucou, les filles. Comment ça va ? Ça va super bien, et vous ? Bah très bien, est-ce que toi tu as eu un animal comme ça un petit peu spécial qui fait peur aux gens ? Oui, alors moi écoute, ben, je l'ai encore actuellement à la maison, c'est un Bernard l'ermite, donc ouais, moi j'ai trouvé cet animal fabuleux en fait, parce que du coup je peux lui changer de coquille, tu sais, je l'ai mis dans un petit vivarium en fait, pour pouvoir bien le regarder, pour pouvoir prendre soin de lui, et du coup je lui mets les coquilles de par exemple de plus gros coquillages, etc. Et en fait il va de coquille en coquille, alors il y a même des petites coquilles que j'ai peintes, etc., tu vois. Et par exemple, ben, le lundi, je lui en mets une, le mardi, voilà. Et je suis en extase devant, je fais que de regarder mon Bernard l'ermite. Mais ça sert à rien, ça donne pas d'affection, enfin je veux dire, ça joue pas. Ah, mais à ce moment-là, les tortues non plus et les poissons non plus, tu vois. Ouais. Non, mais c'est trop beau, c'est trop mignon, enfin, ça change de maison comme ça, je peux lui mettre un peu ce que je veux, et enfin, c'est top. Moi, j'ai des souvenirs petites quand je me baignais dans la mer, ça chique les pieds, ça, les Bernard l'ermite, ça fait mal, ça pince. C'est vraiment des connards. Non, c'est pas vrai. Ils sont trop mignons. Et alors, est-ce que tu lui as donné un nom ? Oui, alors je lui ai donné un nom. Je lui ai donné le nom de Thierry. Thierry l'ermite. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est une bonne vanne. Ouais. D'accord. Eh bien, écoute, si toi et ton Bernard l'ermite, vous êtes heureux, c'est le principal. Ah oui, oui. Non, enfin, franchement, moi, je sais que depuis que je l'ai, franchement, je suis à fond tous les jours. Le premier truc que je fais quand j'arrive à la maison, c'est que je pose le sac, je vais voir Thierry. Hein. Ah bah oui. Ok, bah écoute Émilie, tu embrasseras bien fort Thierry. Oui, je lui fais plein de gros bisous. Bisous Émilie. Allez, bisous, bonne soirée. Attention, Arsenal vient d'égaliser là au contre PSG. Ouais. Si, à l'instant, ouais. Ah là, catastrophe. Voilà, on vous tient au courant car nous sommes une émission 100% foot. Pierre Decan est avec nous, bonsoir Pierre. Salut Jibber, est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Oh, la sortie d'Amir, magique. Bon mon pote, est-ce que tu as un animal atypique chez toi ou est-ce que tu en as eu un plus jeune ? Alors oui, en effet, j'ai un animal atypique chez moi, j'ai un petit cochon en fait. Ah, c'est mignon ça. Ah ouais, c'est pas si atypique que ça, un cochon nain ? Ça pue. Non, en fait, j'ai tanné mes parents et surtout ma mère pour avoir un petit porcelet. Ouais. Et en fait, ben je l'ai eu, donc du coup voilà, j'ai mon petit cochon chez moi. C'est super beau, je trouve ça super beau, mais il est super gentil, donc voilà. Faut faire hyper attention d'ailleurs, parce que souvent il y a plein de gens qui veulent acheter des cochons nains qui sont tout petits, mais en réalité c'est des faux et ça devient des énormes bêtes. Oui, c'est vrai. Et du coup c'est pas trop sale, je veux dire, il est bien éduqué, tout ça. Non, il est bien éduqué, etc. Quand je lui lance une balle, c'est un peu comme un chien, il va le chercher, il me le ramène, on peut jouer ensemble et tout, c'est super marrant. A priori, c'est très intelligent. Ouais. Et c'est quoi son prénom, Pierre, à ton cochon ? Alors en fait, c'est Pindou, tu vois, le P de porc et Hindou, parce qu'en fait, mes parents ont toujours voulu que j'achète un cochon d'âne, ils m'ont toujours dit que c'était pareil, donc du coup, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux, quand même, cette explication. Cela dit, ça rend bien, Pindou, je trouve ça mignon. Ouais, on dirait un plat. Ouais, c'est vrai. Il va jamais finir en plat, rassure-nous. Non, jamais. Ok, eh ben écoute, si tu es heureux avec ton cochon, tant mieux. On t'embrasse, Pierre. Moi aussi, je vous embrasse. Salut, les filles, bisous. Bisous. Bon, bah, Kevin, tu vois que t'es pas tout seul à avoir des animaux de compagnie comme ça, un peu chelou. Ouais, j'entends ça. Écoute, honnêtement, essaie de pas faire un choix, essaie de faire en sorte que les deux s'entendent. Et si jamais tu dois choisir, moi je trouve qu'une nana qui impose comme ça un abandon d'animal, c'est pas une nana bien. C'est voilà. Vrai, l'ultimatum, on n'est pas pour avec Marion. Ouais. Ok. On te fait les poutous, mon kéké. Ouais, et je fais aussi des poupous au mec derrière là, qui rigole tout seul depuis tout à l'heure, là, qui a un rire chelou. Ah, Yannick au standard. C'est possible. Particulier. On t'embrasse. Bisous. Bisous. Pépère. On t'a pas demandé, est-ce que tu as eu un animal peu atypique? Bah oui, Pépère, lui, il est un animal de compagnie, il a plein de petits insectes même. Mais c'est dégueulasse, c'est quoi comme bête? Bah, des petits morpions dans la grosse chatte de ma mère. Oh bah, ouais. Mais ils sont trop choupis. Mon Dieu, tu me dégoûtes. Oui. Allez, bougez. Attends, pas dans Pépère, un instant. Il est gay. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, je sais pas, je trouvais que bah oui, il est très joyeux. Dans un instant sur Fun Radio, c'est l'incroyable talent qui va débarquer. Et puis surtout, je vous dis, le double fun arrive. Si vous êtes fan de Justin Bieber et que vous voulez voir en concert le 21 septembre, appelez-nous 3228, Major Lazer et Justin Bieber, le premier titre du double fun. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Major Lazer avec qui? Avec mon Justin Bieber. Et qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Justin Bieber. Mais quel hasard! On est en plein dans le double fun, les gars. Appelez-nous très vite, 3228. Vous allez pouvoir assister au concert de Justin Bieber. Il sera le 20 septembre prochain à Paris, à l'Accor Hotel Arena. Appelez-nous maintenant, 3228. On fait les fous ensemble sur Fun. Justin Bieber. Il dit quoi? What I'm saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Make up your mind. écoutez Fun Radio. C'est Marion Yann Soul Night Show, on est en direct jusqu'à minuit, puis là on va frissonner quoi. Hey Justin, vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber à l'Accor Hotel Arena à Paris. Oui, ouais, on vous envoie au concert de Justin Bieber. Ce sera le 20 septembre prochain, à savoir mardi soir. Oh, oh là là. Et on a eu plein d'appels et on va appeler tout de suite en direct le gagnant. Ça va vite cette histoire, hein. Moi je suis stressée pour si eux. Il décroche pas, on appelle le suivant. Mais bien sûr, mon Amir. Moi je mise sur un mec. Chut. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Tom. Ça va Tom? Ça va et vous? Ouais, est-ce que tu sais qui te parle là ce soir tout de suite à 22h33? C'est Marion Enso? Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu reconnais nos voix? Bah oui, quand même. Est-ce que tu nous écoutes souvent? Quasiment tous les soirs, dès que je peux. D'accord. Et est-ce que éventuellement tu as entendu quelque chose sur Fun Radio à l'instant? J'ai entendu le double Fun. Mm-hmm. Qui se compose de quoi? De Major Lazer et Justin Bieber, et la deuxième c'est Justin Bieber. Tom? Oui. C'est gagné, mon Tom! Ah ouais! Alors, Tom? Ouais. Tu vas aller au concert de Justin Bieber, ce sera le 20 septembre prochain à l'Accor Hotel Arena. Qui tu vas emmener à ce concert? Ah, ma copine direct. Elle est fan et toi aussi, j'imagine. Ah ouais, c'est... Oh là, eh, franchement, le mec qui offre ça à sa meuf, c'est le roi du monde pendant un an. Ouais, je pense, même deux ou trois, quoi. Bon, eh ben mon pote, on est hyper content pour toi. Et sincèrement, on veut un débrief le lendemain. On veut t'avoir au téléphone, tu nous racontes tout, ok? Et tu fais péter les snaps sur Marion et Anso, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, on t'embrasse, Tom. Bisous. Bisous, merci. Bisous. Fun Radio. Un incroyable talent. On vous a mis en vidéo le talent qu'on a eu hier, il s'appelle Franck et il savait imiter Homer et Marge Simpson. Ouais, et il a appelé d'ailleurs un Homer en France qui ne parlait pas du tout notre langue. Voilà. C'était hyper drôle. C'était improbable. Ouais. Allez mater la vidéo, elle est sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Et vous, si vous avez du talent, eh ben on vous attend marionetanso@funradio.fr. Je t'emmène avec moi, Marion, à Dunkerque ce soir, le 59. Tu sais que j'ai vécu à Dunkerque. Ah bah je sais, tu le dis souvent. Ouais, j'ai vécu à Dunkerque pendant un an et demi. Bonjour Steven, est-ce qu'on s'est peut-être croisé pendant cet un an et demi? Ah, je sais pas, hein. Bonsoir Marion, bonsoir Anto. Ça va Steven? Ça va, ça va. On est content d'être là. On est content d'être là. Alors normalement c'est est-ce qu'on est content d'être là, mais on le prend quand même. T'as quel âge Steven? Moi j'ai 15 ans. Ah donc ouais non, à mon avis t'as pas rencontré Anso parce que toi c'était il y a combien d'années? C'était en 2006, hein, donc c'était il y a longtemps. Ouais. Ou la Yeuve, d'accord. Ouais, ouais. C'était il y a longtemps. Il, ouais. Il avait 5 piges, hein. Ça fait mal. Ah oui c'était il y a 10 ans. Bon. Oh merde. Steven Bichon, c'est quoi ton talent? Bah je suis rappeur. Ah pas mal, j'aime bien. Mais genre Steven tu rappes comment ça? Sur des scènes, tu fais un peu des spectacles et tout? Ouais, je fais. Bah, des fois, je suis dans mon quartier, des fois, et bah, je fais des petits freestyles pour les gens. Ils me disent, ouais, Kairi, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, et moi, je le fais, hein, donc voilà. Ah, quand même, il se produit déjà dans les rues et tout, c'est bien. Ouais, c'est bien, je me produis et tout. Ok, bon, tu connais la règle du jeu, il va falloir que tu nous fasses une démo. Si tu arrives à convaincre l'intégralité de l'équipe, tu vas venir tout frais payer ici, là, depuis Dunkerque, dans les studios de Fun. Ouais. À grand coup de TGV, hein, comme on dit. Qu'est-ce que t'as prévu? Une compo, un truc sur nous? Dis-nous tout. Ouais, j'ai fait un rap que j'ai... Voilà. Un rap a cappella. Ok. Qui s'appelle 2016. Et j'ai fait une petite musique pour vous, hein, Mario et Anso. D'accord. Eh ben, on va commencer par ta compo. Ouais. Allez, c'est parti. D'accord. 2016, et ouais, c'est moi phénomène. C'est la haine, t'as pas vu la vécomène. Sartez qu'on se bat, mais j'en fais pas une guerre. T'as rien vu, tu sais pas, j'ai battu, c'est pas encore. À qui t'as fait? Je suis la passion de Rouen, Andura, parle, n'écoute pas les rages, n'écoute pas. Ratatata, et des balles à tout pack. Alors, j'ai rien compris. Moi non plus, j'ai absolument rien compris, Steven, à part ta vue. Et moi, j'ai compris ratatatata. Ouais, c'est pas mal. Oui, Thibaut, à la moi, j'ai compris Sartek. Ouais. Ah, c'est pas mal. Mais cela dit, on n'a pas compris les paroles, petit souci d'articulation. Par contre, le flow était là quand même. Ouais, c'est pas mal. Il y a un délire, franchement, Steven. Alors, je pense que tu vas percer. Pour qu'on puisse juger quand même de ton talent de compositeur, il faut bien que tu articules sur la composition sur nous, ok? Ouais. Allez, on va se faire ça. Il y a une instru pour celle-là? Ouais. Ok. Et ben ouais. Vas-y, c'est parti. On t'envoie l'instru. Tu y vas quand tu veux. Marion et Anso. Mmh. Marion, Anso, dans le night show, ce sont tous des beurs. Arrêtez de me parler de marcher, je marche sur les sourcils d'amis. Elles sont trop nebeaux, Marion et Anto, ça dans le night show sur Fun Radio. Ma tête déraille à chaque fois que je pense à elle, je laisse tomber tous mes problèmes. Yeah. Je n'étais que penser à elle. Je suis comme elle, elles sont comme moi. Je les aime, c'est bombasse de la vie. Aujourd'hui c'est moi qui gagne le combat, je vais conquérir leur cœur. Et tant pis pour les rageux, je les emmènerai sur la lune s'il le faut. Je les aime, Marion et Anso, dans les night shows sur Sun Radio. Je leur ferai visiter ma ville s'il le faut, car c'est la Marion et Anso dans les night shows. Bah, je suis un beurre. Ah ouais. Dis-moi, bon. Steven. Ouais. Tu serais pas un peu amoureux de nous? Ouais, un peu. Ah, bébé. C'est mignon quand même ce qu'il a écrit. Ouais. Alors, refais-nous la phase où t'es un beurre. Vas-y. Je vais visiter ma vie s'il le faut, car c'est Marion et Anto dans le night show. Beurre, je suis un beurre. Ouais. On tient un tube, les gars. Ouais. Beurre, je suis un beurre. La note beurre est pas facile à tenir quand même. Hein. Non. Je m'en rends compte. Hein. Franchement, moi j'aime bien l'intention. Il s'est quand même donné du mal pour écrire un petit texte. C'est mignon tout plein. Il a 15 piges. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Tu sais comment ça se passe. Il te faut les 5 oui. Ouais. Mais déjà, on te félicite pour le travail. Ok ? Ouais. Allez, merci. C'est parti, mon pote. Jugement. Enzo. Ouais, c'était top. Thibaut. Ouais. Amir. Moi j'ai bien kiffé son flow, alors je dis oui. Anso. Oui. Marion. Oh, j'aime pas avoir cette responsabilité. Ah bah là, c'est le suspense, c'est à son comble, hein, Steven. Si Marion dit oui, tu viens tout frais payer dans les studios. Et si elle dit non, c'est foutu. J'ai besoin de l'aide à un ami. Yannick du Standard, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'ai vraiment aimé Steven, le problème c'est qu'il a pas très bien articulé sur la première. Ouais, on est d'accord. C'est énorme parce qu'il dit il a pas très bien articulé. C'est-à-dire que le gars, c'est le seul mec à faire des liaisons qui n'existent pas, quoi. Mais pas ta caisse. Bon, Steven. Ouais. Je dis oui, mon pote. Steven, ouais, tu viens à Paris. Ouais. On a été généreux. Hein. Merci. Ouais, mais il est trop mignon, j'ai envie de le rencontrer. Et puis, je sais pas, je pense que c'est un bosseur, tu vois, il va s'améliorer avec le temps. Ouais, c'est clair. Steven, tu vas venir avec la personne de ton choix, et bah dans les studios de Fun Radio, on passera à soir ensemble, on boira des verres, et ce sera très sympa. On t'embrasse. Ouais, merci, vous aussi. Bisous. Bisous. Dans un instant sur Fun Radio, on va accueillir Damien. Alors Damien, je vous cache pas qu'on a hésité longtemps avant de le prendre à l'antenne ou pas. Oui, c'est vrai. En fait, il nous a appelé pour nous dire, voilà, j'ai un pouvoir, je peux intimider les animaux. Voilà, très chelou. Mais est-ce que ça s'intimide vraiment les animaux? Genre moi qui vis avec un chat ou un chat? Bah je ne sais pas. Est-ce que je peux lui dire, vas-y, qu'est-ce que t'as? Je ne comprends pas, on va lui poser des questions dans un instant. Et ce qui me fait encore plus flipper, c'est qu'il a rajouté, par contre, je ne peux plus nager. Donc on comprend pas bien le rapport, mais Damien va tout nous expliquer dans un instant. Et vous aussi, si vous avez des pouvoirs, moi je sais pas, magnétiseur, coupeur de feu, guérisseur aussi, appelez-nous 01 42 48 5000, on parle pouvoir juste après Sam Felt sur Fun. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the riverside, we spent those long hot nights until the sky turned blue. When I spent the summer on you. Spent the summer on you. Most things in life ain't free. Most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. When I spent the summer on you, we were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a coke and rum. spent the summer on you. When I spent the summer on you. Marion et Anso, c'est le Night Show. Il est 22h43, on fait de la radio ensemble. Et ça y est les amis, il va être temps d'accueillir celui dont on vous parle depuis le début de l'émission. Oui. Alors, je vais pas vous mentir, on vous l'a déjà dit, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'il nous a appelé au standard. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? Du coup, on a mené l'enquête, on a essayé de cerner le personnage. Et voilà, on a pris la décision de vous le passer parce qu'il semble crédible et surtout, il semble croire à ce qu'il nous dit. Donc c'est vous qui allez juger. Voilà, il s'appelle Damien. Il s'appelle Damien et il habite à Toulouse, la ville rose. Bonsoir Damien. Salut Toulouse. Salut Nacho. Comment ça va Damien? Ça va, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Damien, résume-nous-le en quelques mots. Qu'est-ce que tu penses avoir comme pouvoir? Ben, je vais vous dire tout depuis le début. Alors non, parce que là on n'a pas le temps, on va devoir envoyer la pub. Donc fais vraiment court, tu vois, tu me fais un truc concis, un beau teasing, tu vois, un truc qui donne envie aux gens de rester, tu vois. Bon voilà, en fait depuis un moment je possède une pierre ésotérique en fait. D'accord. Et depuis que j'ai cette pierre, des dons sont apparus. Ah, des okay. Dons. Des dons. Ah. Et alors quel est le don le plus improbable? En tout cas mon don le plus puissant c'est plus le fluide en fait. Le fluide. D'accord. Et alors le standard nous a dit, et puis bah on a vu un peu tous tes messages, que tu étais capable d'intimider les animaux, vrai ou faux? C'est bien ça, ouais. Mais ça veut dire que quoi? Quand il y a des animaux qui passent à côté de toi, ils disent « Oh, pardon !» Non, c'est ça. Bon, et tu sais quoi, mon pote? Tu vas nous expliquer tout ça dans un instant, mais nous, on a envie de te croire. Hein. On se moque pas de toi, d'accord? T'inquiète. Allez, vous bougez pas, vous êtes pas comme Michael, de toute façon. Ah bah, ça, je sais pas, mais c'est pas son genre non plus. On le connaît un petit peu, je pense pas qu'il se moquait de toi. Mais non, il est cool. Bichon, tu restes là? D'accord. Allez, 01 42 48 5000. Dans un instant, on parle avec Damien de ses pouvoirs. Il est capable d'intimider des animaux. Et vous, là, si vous avez des pouvoirs chez vous ou si vous connaissez un guérisseur ou quelqu'un comme ça qui fait du magnétisme et tout ça, eh ben, appelez-nous, le numéro est gratuit. Voilà, madame. On se retrouve tout de suite, bougez pas. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Allô. Oui, bonjour Antonin. Alors papy me demande si tu vas à la pêche avec lui dimanche pour qu'il s'organise. C'est qui? C'est mamie Françoise. Je connais pas de Françoise. Fous-moi la pêche, je dors. Alors écoute bien mon petit-fils, j'ai fait une liste. Je voudrais que tu me pêches une carpe, des sardines. Je suis pas ton petit-fils, on se connaît pas. Une truite, une anguille, un requin siamois. Mais tu fermes jamais ta gueule, j'ai le c***. Merde. Et un espadon, je suis dingue des espadons. Mais ta gueule, j'ai le c***. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non, 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Menez. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, toi, en fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275 euros par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. W9 présente les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde. Cette année, les règles changent. Les Marseillais et les Ch'tis s'unissent pour affronter le reste du monde. Jamais la télé-réalité n'avait connu un tel événement. La rencontre de toutes les personnalités en un seul lieu et dans un seul but, remporter la coupe. Qui seront les meilleurs? Du lundi au vendredi, les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde. À 18h55 sur W9. Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this chain. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a ride. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your Marion et Anso. Le Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Oui, nous sommes en direct, il est 22h51 et nous allons ouvrir un grand dossier avec Damien, notre auditeur du soir qui nous a appelé là parce qu'il pense avoir des pouvoirs. Il se dit capable d'intimider les animaux grâce à sa pierre ésotérique. C'est ça Damien ? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intimider les animaux ? Comment ça se passe concrètement ? Déjà, quel animal et qu'est-ce que tu leur fais ? Ben, par exemple, quand je les regarde aux yeux, en fait, je peux les faire flipper, en fait. Mais les faire flipper, je comprends pas. Les faire flipper, c'est-à-dire quand je les regarde aux yeux, ils commencent à transpirer, commencent à sniffer, en fait, c'est-à-dire... Attends, ça transpire pas un animal. Attends, tu parles des chats, des chiens pleurer. En fait, ça fait pleurer, en fait, ça les fait pleurer. Ah bon ? Ah, ils pignent ? Oui, c'est bien ça. D'accord, mais est-ce que tu as des animaux chez toi ? Non, mais j'ai déjà sauvé quelqu'un qui a fait la preuve, en fait. T'as sauvé quelqu'un, d'accord, c'est-à-dire ? Une amie à moi. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais l'intimidation. D'accord. Mais je comprends pas, parce que ton amie se faisait attaquer par un animal ? Ouais, par un berger allemand. Ah, ouais. Et alors comment t'as fait pour l'intimider ? Tu l'as regardé dans les yeux ? Il lui a fait un feu. C'est simple. En fait, quand mon ami s'est fait mordre, en fait, elle a failli se faire mordre, et à la place qu'elle s'est fait mordu, c'est ma chaussure qui a été mordue, en fait. Ouais, mais alors du ça, coup, après, je l'ai regardé dans les yeux. Ouais. Et en passant dans ma tête, je lui ai dit de partir. Et il est parti. Donc, il a commencé à avoir peur, en train de faire sniff. Il sniff, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, il pleure après, il commence à transpirer, il s'en va au courant, et il tombe dans les pommes. Ah, l'animal est carrément tombé dans les pommes. Ouais. Mais alors Damien, du coup, tu nous as envoyé un mail en nous racontant ton histoire et tu nous disais aussi que du coup, tu ne pouvais plus nager. Bah ouais, c'est les contraintes de la pierre, en fait. D'accord. Mais alors, si cette pierre est si formidable, est-ce que tu peux la prêter à quelqu'un et juste qu'il puisse constater les faits ? Parce que j'imagine que personne ne peut te croire. Parce que les pierres ésotériques ne se prêtent pas, en fait. Ah d'accord, je ne savais pas. Et t'habites où ? Parce que chaque pierre choisit la personne, en fait. Toulouse. Ah, il habite Toulouse, ouais, c'est compliqué de vérifier. D'accord, et eh ben écoute, je sais pas, dites-nous sur les réseaux si vous croyez Damien, si vous le pensez sincère, s'il peut vraiment intimider comme ça les animaux. Et vous, appelez-nous là, 01 42 48 5000. Moi j'aime bien tout ce qui est pouvoir, j'ai du mal à y croire, mais j'aime bien. Je sais que moi quand j'étais plus jeune, j'avais été voir un magnétiseur pour plein de petits soucis et j'avais été archi déçue en fait. C'était rien passé, franchement, ça m'avait détendue et encore. Alors que moi non, petite, je m'étais fait soigner une verrue, je suis désolée, c'est pas très glamour, avec un oignon, bah ouais. Ça avait vachement bien marché. D'accord. Il fallait que j'enterre l'oignon dans le jardin. Comme j'avais pas de jardin, je l'ai enterré dans le jardin de mes grands-parents. Visiblement, l'oignon était pas très regardant, puisque ça a marché. D'accord. Ouais. Eh ben, écoutez, appelez-nous si vous avez des histoires comme ça de verrues comme Anso, c'est très glamour en plus. En attendant, j'ai un petit jeu pour vous, l'équipe. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Vas-y. C'est sur les pouvoirs des guérisseurs, c'est un vrai ou faux ? Vous allez me dire si, selon vous, les histoires que je vais vous exposer sont réelles. Vas-y. L'homme qui soigne en un clin d'œil. Écoutez, c'est un croate appelé Brako qui serait capable de soigner les gens juste en les regardant. Par exemple, il peut soigner des maux de ventre ou de tête en te regardant droit dans les yeux, comme Damien avec les animaux. Oui, je pense que c'est vrai, ça. Eh ben oui, c'est vrai. Mais ça fait hyper flipper, je sais pas, mais moi j'aurais peur de tester, quoi. Non, mais c'est génial, t'imagines, c'est cool. Il doit se faire un blé monstrueux, ce jeune croate. Je pense. L'homme barbecue. Ce serait l'homme capable d'allumer un barbecue en chantant allumer le feu. Mais non. Wow. Non, c'est faux. Bah, ça va, Amir. Sois pas dégoûté par cette vanne comme ça. L'homme qui ne dort jamais. En gros, c'est un mec qui a le pouvoir de ne pas dormir. Il s'appellerait Thai Nhoc. Il serait vietnamien et il ne serait jamais fatigué. Oui, bah c'est. Je te vois pas inventer un prénom d'un gars vietnamien en fait. Non, c'est vrai. C'est faux. Non, c'est vrai. Et il est encore en vie. Et à l'époque, il passait ses journées en fait à porter des sacs de riz de 50 kilos et est resté éveillé jour et nuit. C'est quand même cliché ça. Bah oui, mais c'est la vérité. C'était son travail dans les années 70. En revanche, c'est très dangereux de ne pas dormir. Mais il est pas mort ? Non, pas encore. Mais c'est pas possible. Non, tu peux pas vivre sans dormir. Bah si, c'est justement son pouvoir. Yannick, appelle-le, s'il te plaît. Un petit garçon serait capable de voir dans le noir, à votre avis ? Ah oui, oui, oui, oui. Non. Si. Si, Anso, en fait, il souffre de locodermie visuelle. En gros, c'est une maladie qui dépigmente ton iris. Et du coup, tu peux voir dans le noir. C'est charmé. Bah, ouais. Je suis pas sûre, hein, parce que tu peux jamais dormir, quoi. Bah, et il ferme les yeux. Ah oui, il a des problèmes de vue. Enfin, même du coup, quand il ferme les yeux, il voit. Oui, bon, pardon, c'est nul alors. La vache qui rit, ce serait la première vache capable d'avoir un fou rire dès qu'on la touche. Mais non. Ce serait gaulerie, ça dit. La femme qui voit à travers des gens. Écoutez, une petite Russe a commencé à voir au travers des gens. C'est-à-dire que du jour au lendemain, elle pouvait voir clairement le cœur de sa mère, les reins de sa mère, sa rate, son foie, bref, tous les abats. Non. Oui, j'imagine que c'est vrai. Oui, c'est un vrai pouvoir. C'est horrible. C'est vraiment un truc de pouvoir ouf, hein. Horrible. Mais que de sa mère ou de tout le monde ? De tout le monde. Mais ça a commencé par sa mère. Quelle horreur. Ah, ça me dégoûte. Et l'homme cache-cache, à votre avis, ce serait un homme capable de se cacher entièrement derrière ses sourcils. Ouais, vas-y. Ça va. Mais ce qui était énorme, c'est qu'Amir était happé par ton histoire. Il n'a pas vu venir celle-là. Ça m'énerve quand vous faites ça. Bon, on a Juliette qui nous a appelé de Nancy. Bonsoir, Juliette. Salut les filles, salut toute l'équipe. Salut. Ça va, Juju ? Oui, ça va et vous ? Bah ouais, très bien. Tu voulais réagir à ce sujet, toi ? Ouais. Alors moi, c'est ma grand-mère. Elle avait tout le temps des migraines. Et il y a environ 4-5 ans, elle a été voir un docteur qui lui a fait une sorte d'hypnose et des prières pour la soigner. Depuis, elle n'a plus de migraines. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Moi, je sais que ça marche sur des gens, ça. Hein. Moi aussi, j'ai un pote, son père arrive quand tu te fais une brûlure à mettre ses mains autour de la brûlure et à enlever le feu, à guérir le feu, quoi. Ça, il y en a beaucoup aussi. Ouais. Oh, ça doit être génial d'avoir ce genre de pouvoir. Mais c'est vachement bien, ça, Juliette. Donc, mamie est guérie. Voilà, mamie, elle est guérie, elle a plus de migraine, elle est toute bien. Et mamie, elle peut faire tourner le contact ou pas ? Hein ? Bah oui. Tu donnes ça au standard et puis moi je vais l'appeler, je vais tester. Ah, pas de soucis, je donne ça. On t'embrasse, ma Juliette, merci de nous avoir appelé. Gros bisous, je vous aime. Bisous, bisous. Bon, Manso, tu le sais, je te le dis en début d'émission. Je t'ai réservé une surprise. Ouais. Je t'explique avec l'équipe, avec l'aide des garçons, nous avons appelé un marabout. Oh non. Si, nous avons appelé un marabout pour avoir des conseils, pour enfin t'aider à trouver l'amour. Ah. Ce marabout ne peut pas se déplacer, évidemment. Déjà parce que c'est trop cher, il nous a demandé 400 balles quand même. On n'avait pas le budget. Mais surtout, il nous a donné les conseils et les astuces et surtout le filtre d'amour pour te trouver un mec. Du coup, ce soir, nous allons tenter les incantations. Et nous allons surtout te faire boire le fameux filtre d'amour qui te permettre de trouver l'amour. Mais est-ce que c'est un rapport genre le smoothie du dimanche et tout? Tu vas voir, chérie, j'ai le parchemin avec les ingrédients. Tu vas voir, c'est mais magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce parchemin là? Il est beau. En gros, ça s'appelle l'élixir du désir. C'est pas une connerie, le dos, hein. C'est vraiment la vraie recette. Il y a 2 cuillères à soupe d'eau, un tout petit peu de vodka, évidemment l'alcool à modérer, à consommer avec modération, un tout petit peu de rhum blanc, 2 gousses de vanille, des pétales de 5 roses, et c'est allongé à l'eau, évidemment le tout saupoudré de graines de paradis. Alors, j'aimerais savoir si vous avez bien respecté à la lettre oui. les ingrédients et vous n'avez pas mis un truc dégueu. Non, on a mis un peu plus d'eau. Mais voilà. Je ne vais pas boire tout ça. Hein, non, ensuite. Tu vas boire à ton rythme, on va te montrer, c'est magnifique, vous allez voir sur les images là, parce qu'on vous filme c'est tout. Vrai. C'est un vase, il y a des roses dedans, il y a le vrai filtre d'amour conseillé par le marabout, et on va tous se mettre autour d'elle, l'équipe, puisqu'on a les incantations. Donc vous venez avec moi. Ça sent hyper bon. Ouais, oui, ça sent super bon. Évidemment mais que ça sent bon. Un filtre d'amour, normalement, on le fait pas boire à la personne qu'on a envie de un non. crush. Ouais, non, parce que toi, t'es célibataire et donc il faut que tu enlèves l'envoûtement qui est autour de toi, qui ne te permet pas de rencontrer l'amour. D'accord. Ok. Venez l'équipe. Prenez un HF. Attends, les garçons. Parce que vous allez faire quoi? Mais c'est le marabout qui nous a donné l'invocation. Donc on va le dire, on va tenter le dos. Et moi, je vous le dis, je crois beaucoup en ce genre de truc. Donc c'est pas pour me moquer. Mais il faut que je fasse quoi? Il faut que je le boive. Je te dirai quand tu le boiras. Ok. Ange Téliel de lumière et de l'amour, nous invoquons ta présence afin de te joindre à notre célébration et de prodiguer à Anso tes influences bénéfiques. Bois une gorgée. Attendez, parce que c'est quand même beaucoup. Hein. Vas-y, tu bois, c'est bon. Que les fumées de... S'il vous plaît. Hé les gars, c'est hyper sucré, je suis diabétique. Bois. Non mais sans vanne, c'est hyper sucré. Bon bah bois pas trop, mais bois un peu. Ouais. Que les... Que les fumées de ce parfum soient à votre intention, le gage de notre reconnaissance et de notre gratitude. Micro-gorgée. Elle prend une petite gorgée. Il y a beaucoup de vodka, non? Non, même pas. Soyez toujours prêts à venir dès que je vous appellerai. Nous te demandons humblement de lui accorder une énergie bienfaitrice, de la guider sur le chemin de l'amour, de la passion et de la fertilité. Tu bois une gorgée. Celui qui lui cause du tort est désormais enterré. Nous te remercions de ta présence, Ange Téliel, que tes énergies retournent à la terre et aux cieux. Ainsi soit fait. Et c'est hyper angoissant, faut que je reboive là? Une dernière gorgée. Okay. Et selon le marabout, ça devrait marcher. Après ça, tu devrais trouver l'amour, quoi qu'il arrive. Je te jure, il nous l'a dit. Il y a personne qui va rentrer dans le studio là pour me dire. Non, mais la vérité, c'est même pas une blague, hein. On est sérieux, on l'a on vraiment sérieux, fait avec lui. Hein. Donc j'espère que ça va fonctionner. Bravo, en tout cas, Anso, tu as bu. C'est un peu sucré, mais ça va. Ouais, bah c'est sucré. Mais c'est bon gars, ou pas? Bah goûtez, les garçons, vous me dites si c'est bon ou pas. Il y a Yannick au standard, tu peux faire le filtre aussi, hein. Alors, c'est comment, Yannick? C'est très très bon. Ouais, ouais. Ah bah oui, j'aime pas le rhum, mais c'est très bon. Non, c'est de la vodka. Bois. Il y a un peu des deux. Ouais, c'est bon. Il a bu une pétale. Bon, évidemment, l'alcool est à modérer, est à consommer avec modération. Comme toujours, on fait attention, les amis. Là, c'est pour le filtre d'Anso. Sinon, évidemment, on ne boit pas. Eh bien, écoutez, restez avec nous, puisque je vous tiendrai au courant, bien sûr, de mon aventure amoureuse. Et dans un instant, sur Fun Radio, eh bien, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. Damien, mon cher, on t'embrasse. Merci de nous avoir appelés et continue à nous envoûter ces animaux. On se retrouve juste après Môme sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had his good. Cosmic love gave you something gold. much left to do. But to feel it all, you're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Et Anso, le Night Show, et ça y est, la grande nouvelle est tombée hier. Est-ce que vous avez regardé TPMP, les amis, ou pas? Vite fait, moi, parce que j'étais sur Yann Barthès aussi. Eh bien, hier, en fait, il recevait Nabila, et elle a annoncé qu'elle serait prête à refaire un retour dans l'émission, devant les caméras de C8. Bonne nouvelle ou pas, selon vous? Ouais, bah moi, oui. Moi, j'aime bien Nabila. Franchement, ouais. Elle me fait marrer, elle a vraiment son truc à elle. Moi aussi, et je pense surtout que c'est une super nouvelle pour les happenings. Tu vois, c'est un jour, ils ont besoin d'un lanceur de couteau, tout ça, tout ça. Et ça va pas, non. Pardon. Pourquoi tu m'appelles? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Mais je t'appelle pas, connard. Je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Anne-Sophie. Oui, et Marion. À qui écris-tu des SMS pendant les jingles et les disques depuis tout à l'heure? Mais à personne. J'écris juste un message à un pote, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais elle est sérieuse, on la voit faire, elle a un sourire en coin. Tu vas ken ce soir? Allez, pourquoi tu m'appelles tout de suite? On joue avec Romain de Marseille. Bonsoir les calanques. Salut fille, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va Romain? Ça va super, et vous? Ouais, Vichon, t'as quel âge? 14 ans. 14. D'accord. Romain, tu joues pour gagner un pack t-shirt Monsieur T-shirt ce soir. Ils sont chambés. J'adore leur typographie. Je suis assez cliente de Monsieur T-shirt. Moi aussi. Ah, super. Bon, Romain, tu connais le principe du pourquoi tu m'appelles. Tu restes le plus longtemps au téléphone en affrontant Marion ou moi-même. Contre qui tu veux jouer ce soir? Je prends Manso. Ok. D'accord. Est-ce que tu veux que je lui donne un handicap pour que tu gagnes plus facilement? Dans l'idéal, oui. Alors, j'ai une idée parce que, bon, bah, j'ai toujours une flûte sur moi. Hein. Voilà. Donc, la meuf sort vraiment une flûte. Hein. Et j'aimerais que, Anso, tu ponctues chaque fin de phrase avec un petit air de flûte. D'accord, mais vous savez que je suis nulle en flûte. Hein. Oui, bah, des notes, quoi. T'es pas obligé de faire non plus une chanson. Hein. D'accord, okay. Romain, je commence? Oui. Bon, allez, c'est parti. On y va. Fais un truc joli, hein. Ouais, d'accord. Je vais essayer de l'accorder, ma flûte. Oh là là. Créatrice. Pas mal. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Pourquoi tu m'appelles? Pardon? Oui, bonsoir monsieur. Pourquoi tu m'appelles? J'appelle, j'ai pas appelé. Ah bah si monsieur, mon téléphone vient de sonner quand même, je suis pas folle. Ah bah non. Ah bah alors peut-être que vous m'appeliez pour avoir un renseignement? Bah je sais pas lequel, je sais pas. En plus, c'est un numéro privé, vous avez, je vous précise. Ah oui, c'est un numéro privé, parce que je crois que j'ai enlevé le... Ah oui, donc je peux plus appeler un numéro fonction, privé. La fonction, ouais. Et donc... Oui. En fait, je suis flûtiste, donc peut-être que vous vouliez faire appel à moi pour un événement, peut-être un anniversaire, un mariage, ou alors une bar mitzvah. Non, rien du tout, non. Une circoncision, peut-être, votre enfant. Non, plus rien. Un enterrement, je sais jouer des choses assez graves, écoutez. Voilà. Non, bah, je vous remercie. C'était un ré mineur. Puis là, je suis en train de rouler en plus, alors non. Ah bah ouais. Non, mais monsieur, faut pas rouler comme ça. Mais vous roulez quoi, bah, un jour? C'est pour ça. Allez, bonne journée. D'accord, faut faire attention quand même à tout ça sur la route. Tout ce qu'on nous envoie dans le ciel. Elle part dans tous les sens. Vous êtes là, monsieur? Il est toujours là? Il est parti? Oh là là là là. Sur une improvisation minable. Yannick au standard, tu vas le rappeler parce que franchement, il était poli, cordial, hyper sympa. Ouais, quoi. Il était cool. Genre, tu lui as quand même proposé de jouer à des événements improbables et il était là. Oh non, merci, c'est gentil, mais ça va quoi. Thibaut à l'arrière, combien de temps j'ai fait? On a fait 1 minute 10. Pas mal. Ah ouais, franchement, c'est pas mal. Par contre, tu joues très mal. Hein. Ah bah oui, mais je vous l'avais dit, moi de toute façon, j'ai toujours été nul en flûte. Romain. Oui. Bon, ça va pas être évident, mais je pense que tu peux le faire. On va y arriver. Allez bonne chance. Pas. Tu joues bien de la flûte, toi, Romain? Non, pas du tout. Ça nous fait un point commun. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous m'appelez, monsieur? Ah, je vous appelle pas, c'est vous qui m'avez appelé. c'est bizarre, parce que j'étais en train de lire un livre, et d'un coup, il y a mon téléphone qui sonne en masqué. Eh bien, moi aussi. En plus, c'est un numéro privé, moi aussi, alors que je suis pas du tout en numéro. Ben, moi, le pire, c'est que j'ai mis les numéros privés en banni, donc forcément, je ne peux pas les recevoir. Mais c'est pas vous, qui est votre mari, qui cherche une BM? Oui, pourquoi? Ah ben, parce qu'il m'a téléphoné tout à l'heure. Ça doit être ça, alors. Je devais avoir votre numéro dans mes... Je sais pas, parce qu'il m'a appelé il y a une heure de ça, un peu plus. Il m'a dit, oui. Je suis au travail, est-ce que je peux vous rappeler d'ici un quart d'heure, une demi-heure? Oui, ben, il m'avait d'ailleurs chargé de le faire. Mais ben, écoutez, puisqu'on y est... Écoutez, j'aimerais avoir juste quelques renseignements supplémentaires sur le véhicule, si c'est possible. Oui, bien sûr, mais je dis tout sur l'annonce, c'est toute option, intérieur cuir gris, boîte automatique, c'est le 2,5 litres. Mais par contre, pourquoi vous m'avez appelé, vous? Parce que ça veut dire que vous voulez vraiment me la vendre, la voiture, si vous me rappelez, vous, en plus. Hein. Mais c'est un numéro privé, je peux pas vous rappeler. Hein? Pourquoi tu m'appelles, alors? Mais qu'est-ce que vous me dites? C'est pas moi qui vous appelle. Ah ben si, pourquoi tu m'appelles? Non, bon, allez, c'est bon, allez, merci. Non, attendez, j'ai une question. Oui. C'est juste une dernière question à propos de la voiture. Elle a quel âge? Elle a 8 ans, c'est écrit sur l'annonce, mais vous l'avez vu l'annonce ou non? Parce que là, vous moquez de moi. Mais je voulais savoir pourquoi tu m'appelais, quoi. D'abord, je ne vous tutoie pas, je ne vous ai pas appelé, d'accord? Ah bah si, tu m'as appelé. Bon, allez, ok. Non mais, monsieur... Bravo, franchement, t'as été magnifique. Et improvisation. Il t'a pris pour l'épouse d'un homme. En fait. Oui, c'est parce que t'as une petite voix, mais nous, on sait, t'es un bonhomme, Romain. Petit chat. Bon, combien de temps il a fait, Romain? Il a fait 1 minute 40. C'est gagné. Bravo, poteau, tu repars avec ton pack de t-shirts, monsieur t-shirt, tu vas kiffer. Super, merci beaucoup. On t'embrasse, Romain. Merci. Des bisous. Bisous. Ciao, bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler d'une nouvelle tendance qu'on trouve hyper chelou avec Marion. Est-ce que, les garçons, vous avez déjà entendu parler du ghosting? Non. Alors, le ghosting, c'est très simple. Ça vient de ghost, qui veut bien sûr dire fantôme, et de ing, on ne sait pas s'il fout là, mais ça rend le mot un peu plus joli. Non, en fait, c'est le fait de quitter une personne et de ne plus jamais donner de nouvelles. Ah. On a du témoignage, on va en parler avec vous. Venez nous raconter vos histoires. 01 42 48 5000, on se retrouve juste après. Juste après quoi? Jonas Blue. Jonas Blue sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize. Vous êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso. Et alors Anso, La France se questionne là depuis tout à l'heure puisqu'on t'a fait boire l'élixir de l'amour. On a fait des incantations pour qu'enfin tu trouves quelqu'un. Est-ce que tu te sens différente? Surtout le dieu du diabète est venu, je crois. Oui, c'est vrai. Est-ce que bon. Mon taux de sucre est anormalement élevé? On l'avait pas trop sucré, mais c'est vrai que ça t'a fait quelque chose quand même. Ouais. Je me sens femme. Bon, et eh ben écoute, en tout cas, j'espère que ça ne t'arrivera jamais. Mais là, on va parler ghosting. Ah oui. Tu le disais tout à l'heure, le ghosting, c'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle tanasse, j'ai envie de dire. En gros, c'est simple. Vous êtes en couple et la personne disparaît du jour au lendemain, sans vous prévenir, sans rien dire, et vous n'avez plus jamais de nouvelles d'elle. C'est horrible. Voilà, un peu le syndrome de chérie, je vais descendre les poubelles et la poubelle ne revient jamais, ni la personne. Alors, j'aimerais déjà savoir si chez vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire ghoster, comme on dit 01 42 48 5000, et j'aimerais surtout savoir si dans l'équipe, il y a eu du ghosting ou pas, Anso. Non, mais ça m'est arrivé, genre, avec des plans d'un soir, de coucher avec eux et de les bloquer, en fait, de plus jamais les rappeler, tu vois. Même si c'était des bons coups? Non, mais évidemment, les bons coups, je les mets en favori. D'accord. Mais sinon, histoire d'amour, jamais ghosté, jamais rien? Non, jamais ghosté, jamais rien. D'accord. Et Thibaut, à l'area? Ouais, moi-même, ça m'est déjà arrivé, mais je pense que ça arrive à tout le monde, genre au camping, tu sais, tu rencontres une nana, tu dis que tu vas te revoir et finalement, tu la revois plus jamais, tu la bloques partout. Bisous, Chloé. Oh la pauvre, c'est terrible. Et toi Marion, ça t'est déjà arrivé ou pas? Non, honnêtement je trouve ça horrible. C'est-à-dire que moi si quelqu'un me fait ça, mais je retrouve la personne et je la tue en fait. Moi aussi je trouve ça assez horrible parce que tu peux pas faire ton deuil d'une relation quand c'est comme ça. La personne part, tu sais pas pourquoi t'es quitté, t'as pas d'explication, donc c'est hyper dur de t'en remettre en fait. Et c'est surtout le comble de la lâcheté en fait, je veux dire. C'est-à-dire que t'as même pas les couilles de dire pourquoi tu t'en vas, etc. Alors je sais que je suis pas la pro niveau courage, mais enfin quand même, un minimum. T'es hein mignonne de l'avouer. Ouais, je suis nulle avec ça moi. Il y a Eric de Bordeaux qui nous a appelé. Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment ça va Ricou? Ça va, ça va. Bon. Vous allez tous bien? Bah ouais, tranquille. Dis-nous tout, est-ce que tu t'es fait ghoster ou est-ce que tu as ghosté quelqu'un? Ah, je me suis fait totalement ghoster. Hein. On ne peut pas se faire plus ghoster que ça, je pense. D'accord, alors tu sais quoi, tu vas tout nous raconter dans un instant. En tout cas, t'as l'air mieux là, ça va, tu t'en es remis? Ça va, ça va, ça va. Bon, et bien Bichon, garde tous les détails de l'histoire, on en parle là. Et puis bah vous, 01 42 48 5000, venez nous raconter, on se fait du bien. C'est comme une sorte de thérapie de groupe là sur Fun Radio. Et puis on se marre ensemble et puis voilà. Diplo, DJ Snake, Skrillex et les Major Lazer. On fait appel à lui pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez de double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio, le son dance floor. 3228, service payant, 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW Série 1 est à partir de 275 € par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW, une 14D, 3 portes, première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux? Pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok, ok. T'as hérité? Non. 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295€ par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Menez. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Salut, c'est Soprano. De 22h à minuit, c'est le Night Show. The Night Show. sur Fun Radio. Ah oui, c'est nous et Sopra, on va se l'écouter dans un instant là sur Fun Radio. J'aime bien ce titre, il me rend ouf. Il le fera en live d'ailleurs mardi prochain, ce sera le 20, soyez bien là. Moi j'adore. Parce que je vous cache pas qu'on est déjà en train de bosser sur cette émission et ça va être du très lourd. On était en train de parler de ghosting. Oui. Le ghosting, c'est cette nouvelle tendance, enfin c'est le mot à la mode pour qualifier quelqu'un qui part sans jamais donner de nouvelles, qui quitte quelqu'un. 40% des femmes quand même ont déjà vécu l'expérience. Mais ça m'étonne vachement quand même. Quand même fou, hein. Bah ouais. Il y a Eric de Bordeaux qui nous a appelé. Eric, il a vécu un ghosting de la part de son ex. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors dis-nous Bichon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, je devais me marier, c'était il y a 4 ans, et j'ai repoussé le mariage d'un petit mois suite à des problèmes financiers, parce que un mariage, pour les femmes, faut que ça soit fantastique, donc j'ai voulu faire les choses en grand. Mmh. Et je suis parti au boulot et quand je suis rentré, l'appart était vide, elle n'était pas là et elle avait laissé toutes ses affaires. Oh ben. Et depuis, aucune nouvelle. Ses parents ne savent pas du tout pourquoi elle est partie. Son père est venu chez moi et s'est excusé dans tous les sens. Et personne ne sait ce qu'elle est devenue, donc c'est un mystère. Et puis, non mais voilà. Attends, Eric. Toi, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait la démarche d'aller sonner chez elle ou de la rattraper? Ah si. Je pourrais dire que dans ce côté-là, on pourrait m'appeler un harceleur. J'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé d'aller chez elle, j'ai essayé de voir ses parents, ses amis proches, sa meilleure amie. Et personne n'est au courant de rien. Personne ne sait pourquoi, d'ailleurs, elle est partie sur un coup de tête. Et puisqu'on devait emménager ensemble et tout ça. Donc. Mais tu sais pas où elle est? Si, je sais où elle se trouve, dans la ville où elle se trouve, mais je ne sais pas ce qu'elle devient, je ne sais pas si elle va bien ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une théorie sur les gens qui ghostent. Pour moi, c'est des gens qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Et qui sont prêts à tout plaquer pour quelqu'un d'autre, c'est leur motivation, tu vois. Parce que c'est possible, mais je reviens sur la parole de Hanso, je crois qu'à l'heure, qu'elle dit que c'est quand même un manque de courage flagrant. Bah oui, c'est sûr. Surtout au bout d'un mariage, quand même. Bah oui, là, ça faisait 4 ans, vous alliez vous marier. Non, ça, c'est complètement. Vous viviez pas ensemble avant de vous marier? Et bien, en fait, on devait emménager. Enfin, elle vivait à peu près chez moi tout le temps, c'est-à-dire toutes ses affaires étaient chez moi. Enfin, vous êtes des femmes, vous connaissez, hein. C'est-à-dire que le placard était plus à elle qu'à moi. Et du coup, j'avais toutes ses affaires chez moi et elle est partie sans rien. C'est-à-dire que j'avais toutes ses affaires chez moi. Télé, vêtements, la totale. Est-ce que tu as réussi à faire le deuil de cette relation ou c'est encore compliqué aujourd'hui? Ça a été très, très, très, très dur. C'est-à-dire que même pour me remettre en couple, j'ai du mal à faire confiance. Faut dire la vérité, hein. Quand une femme me promet mon émerveil, maintenant j'ai tendance à me méfier. Mais bon, heureusement, j'habite sur Bordeaux. Hein. Tout le monde sait que les jeunes bordelaises sont très à l'aise. Ouais, du coup, t'as pu retrouver quelqu'un. Donc, non, je me suis pas remis en couple, mais bon, j'en profite. Bah, j'ai peur de me remettre en couple et de me reprendre, comme on appelle ça maintenant, un ghosting. Hein. Ghosting d'affilée. Tu sais. Je sais pas si je m'en relèverai. C'est pas parce que tu l'as vécu une fois que tu vas le revivre, hein. Ça vient pas de toi le problème, c'est elle, je te dis, elle a certainement rencontré quelqu'un, elle a certainement pris peur aussi, peut-être avec le mariage, tout ça, elle savait pas comment faire, elle a paniqué, elle s'est barrée, c'était juste pas la bonne, c'est tout mon pote. Oui, c'est très possible. Est-ce que t'as des solutions, Eric, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile de faire son deuil, du coup, parce que t'as pas la personne en face qui te dit le fameux « je ne t'aime plus », qui fait mal mais qui fait du bien en vrai. Comment t'as fait pour t'en remettre et pour passer à en fait, enfin, il y a pas de secret. Hein. Le temps fait sa chose, quoi. Parce que au début on se sent pas bien, on se sent comme une merde. Hein. Désolé pour le langage, mais c'est ça. Hein. Moi, je suis passé par des phases d'écroulement, de dépression. Je me sentais pas bien, je me sentais pas beau. Je suis tombé dans l'alcool, enfin la totale, hein, jusqu'au Eric, moment. Laisse-nous te dire, tu es beau. Tu es beau, je Eric. Vois. Moi, de toute façon, un mec qui a une voix comme ça, qui habite à Bordeaux en plus, c'est forcément un mec génial. Non, mais... ça m'a servi aussi, parce que du coup, ça m'a permis de me remettre en question. Donc, je me suis repris en main, j'ai refait du sport. Donc, elle m'a rendu service d'un côté. Quoi. On est contente pour toi si ça va mieux. Et merci beaucoup de t'être livré comme ça sur Fun Radio, c'est pas facile. Et ben, si cette fille nous écoute, c'est pas bien ce que tu as fait, mademoiselle. Un petit coup de fil pour te faire pardonner, ce serait bienvenu. Voilà. Ouais, un peu tard, certes, mais oui. Bienvenue. Alors, mieux tard que jamais. On t'embrasse, on t'envoie plein d'amour et plein de poutou dans ta face. Ben, moi aussi, je vous aime, puis continuez à nous amuser autant. Bisous Eric, oh, ben, il est vraiment chou celui-là. Hein. Ouais, grave. Il y a Adrien à Thiers. Salut Thiers. Ouais, salut. Ça va Adrien? Ouais, bah ça va, et vous? Ouais, très bien. Alors tu vois, Adri, je te dis bonsoir comme ça, et je sens que toi, t'es un ghoster. Moi? Ouais, non, c'est toi qui t'es fait ghoster? Ah non, bah tu vois juste, hein, c'est moi qui ai ghostingé quelqu'un. Ah là là, alors raconte pourquoi t'as fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Déjà, c'était acquis. Donc voilà. Donc c'était à ma mère. Entre parenthèses, à ma mère, ce qui s'est passé tellement de choses. Attends. J'ai eu une enfance assez compliquée, mais ça, enfin voilà, c'est assez personnel, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. T'es en train de nous dire que t'as fait un ghosting familial là. T'étais pas en couple, toi? Ah ouais, c'est ça. Ah, c'était un ghosting familial, ouais. Ok. Et donc tu as fait ça à ta mère, d'accord? C'est ça. Et donc pour des problèmes assez personnels, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet avec le niveau détail et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que bah, pour paraître un minimum crédible, j'ai coupé tout contact avec elle, mon beau-père et mes frères, mm-hmm. pour justement bah, qu'il n'y ait pas des petites fuites qu'il y a jusqu'aux oreilles de ma mère. Mais attends, mais comment on fait pour couper tout contact avec sa famille? C'est-à-dire que tu vires tout, ton Facebook, ton numéro de téléphone, ton adresse, tu changes tout? Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Dur. D'accord. Et du coup... C'est dur, mais après... Quand la haine est vraiment trop présente, je vous le dis, c'est facile de le faire. Mais Bichon, ça veut dire que t'as déménagé dans une autre ville et tout? Ouais, bah j'ai carrément changé de département, du coup. Et depuis, t'as toujours pas de nouvelles ou ça s'est arrangé? Et depuis, non, toujours pas de nouvelles, je n'ai pas envie d'en donner. Et le plus fort, c'est que bah, du coup, j'ai une petite fille et ma mère, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que pour moi c'est pas une mère, ouais. Mais elle sait toujours pas qu'elle est grand-mère. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon bah écoute, nous donc, quand même. Je pousse vraiment le truc à fond, mais je veux plus du tout avoir de nouvelles et même avoir des nouvelles d'elle, je veux pas. Bon, c'est ton choix. Moi j'aurais envie de t'encourager à recréer les liens, mais enfin si tu veux passer ton choix, c'est ton problème, c'est ton passé. En tout cas, c'est courageux de venir dire comme ça sur l'antenne de Fun. Moi j'ai ghosté ma famille. Ouais, c'est chaud. Après, on peut pas juger, on connaît pas ton histoire. Si tu sens que c'est bon pour toi, après tout. Après, c'est vrai que ça reste une maman et que tu me dis que elle aimerait bien savoir tout ça, quoi. Hein. Ouais. Comment tu vas? Voilà. C'est ça. Bon bah Adrien, on t'embrasse. Mais je vous embrasse aussi. Hein. J'embrasse surtout aussi ceux qu'on parle pas trop. Hein. Donc Yannick et les autres, j'ai zappé les prénoms un petit peu. Désolé. Voilà, c'est ça. Les standardistes et Pépère qu'on n'entend pas beaucoup dans l'émission. Bah, c'est normal, tu sais pourquoi il est Pépère. Ah, mais il est en train de niquer la sœur à Amir. Hein. Oh ah, c'est cool, Adrien, il connaît hyper bien l'émission. Ah, bah oui. T'auras une gommette, t'inquiète. Bah, je suis fidèle. Ouais, une gommette, trop bien, avec un petit chien dessus. Ouais, par contre, tu vas trop loin là. Hein. Adrien, on t'embrasse, mon chat. Merci de nous avoir appelé. Ouais, je m'embrasse aussi. Bisous. On a Tom aussi qui nous a appelé. Tom, il a 20 ans. Bonsoir. Tom. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe. Salut. Bienvenue ici. Salut mon pote. Ça va? Bah ça va et vous? Ouais, très bien. Est-ce que tu as ghosté ou est-ce que tu t'es fait ghoster? J'ai ghosté quelqu'un. Je suis pas très fier, mais bon, je suis tombé sur la radio comme ça, là, sur Fun Radio. Je vous ai écouté, j'ai fait ah, mais je savais même pas que ça portait un nom, ça. Eh ben ouais, c'est nouveau. Le ghosting, 40% des filles l'ont déjà vécu. Raconte, c'était avec ta chérie? Non, c'était un chéri. Un chéri. Et alors, donc, comment s'est passé? Donc voilà, j'étais en couple avec lui depuis 2 ans, on allait fêter nos 2 ans, et mon ex terminait le travail à 22h. Ouais. On avait prévu d'aller au restaurant, et entre-temps, je l'attendais à la maison, et j'ai pété un câble. J'ai pris la première valise qui m'est tombée sous la main, j'ai rassemblé mes affaires, j'ai pris mon chat et je suis parti. Et pourquoi? Bah alors au départ je sentais la justification, donc enfin je savais pourquoi je partais alors que tout allait très bien, mais je ressentais le besoin de partir, j'avais besoin de partir, de m'éclipser, de plus exister pour lui, quoi. Ouais, mais c'est ouf. Et tu t'es pas dit le pauvre il mérite quand même une explication? Au départ je me suis dit ça, mais après je me suis dit maintenant je porte mes coups jusqu'à la fin et voilà. D'accord. Et il a cherché à te recontacter lui? Ah oui. Oh oui. C'est dur. En même temps, moi je leur dis, c'est quand même hyper difficile. T'imagines Tom à sa place, comment tu veux qu'il passe à autre chose et qu'il se trouve un autre mec dans ces conditions? Ah oui, non mais c'est sûr, mais bon après voilà, on va dire que j'ai porté qu'à ma gueule sur le coup là, quoi. Ouais, c'est vrai que t'as été égoïste. Après, c'est toujours pareil. Si toi tu le sentais et que tu sentais que c'était mieux comme ça, eh ben tu l'as fait. Voilà, moi vraiment c'est pas un truc que je conseille parce que je pense que chaque être humain mérite des explications dans ces cas-là. Vraiment. Et tout travail mérite salaire. Mais bon, mon pote, on juge pas. Si voilà, tout va bien pour toi. Si un jour tu as les couilles, il serait bien de l'appeler peut-être et de t'excuser, tu vois. Mais voilà, tu fais comme tu veux. Et si tu décides de le faire, Tom, fais-le, mais sur l'antenne de Fun. On aime bien ce genre de truc. Ah ouais. Non, je pense que vous allez être suspendu s'il y a trop d'insultes. Donc C'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. Bon, mon Tom, merci beaucoup de nous avoir appelés. Et on ne ghoste plus, c'est fini ces conneries. D'accord, c'est promis. Est-ce que je peux juste faire une petite dédicace? Bien sûr. Alors, je fais juste un gros bisou à Audrey qui vous écoute tous les soirs et je la remercie pour le dîner de ce soir. Voilà. Oh, bah... Bisous Audrey. Qu'est-ce qu'elle a fait à manger, Audrey? Elle m'a fait des sushis. Ah, c'est pas facile à faire en plus, les sushis. Compliqué, ouais. Non, en plus, c'est sûr, ouais. Bravo, Audrey. Bisous, Tom. Merci de nous avoir appelés. Bisous. Ciao, toute l'équipe. Bisous. Pépère, justement, t'as entendu un petit peu. Est-ce que toi, tu as déjà vécu un ghosting? Je sais pas, un truc comme ça, quoi. Bah, Pépère, lui, s'est déjà ghosté lui-même, hein. Et comment c'est possible, ça? Bah, il a déjà réussi à faire disparaître sa bite dans la chatte des mémés. D'accord. Oh, c'est bien, mais en fait, c'est un peu comme un tour de magie, Pépère. Bah oui, c'est ça. Et du coup, vous faites une tournée, un spectacle, un truc? Bah oui, on est au Trianon demain. Après, même qu'après, on va aller... où est-ce que c'est déjà? Au Zénith. Au Zénith, c'est vrai, j'avais oublié, j'ai la tête ailleurs, normal, dans le cul de mémé. Bon, le Pokélost débarque dans un instant, on va parler Fionfion aussi. Et puis on écoute celui qui sera avec nous mardi soir dès 22h, Soprano sur Fun. Je suis chaud, Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller ce soir. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. C'est Marion et Anso, on est tous les soirs en direct jusqu'à minuit sur Fun. Et on est aussi sur YouTube, allez voir sur la chaîne Marion et Anso. On a rajouté une vidéo tout à l'heure. Bon bah c'est le smoothie du dimanche, hein. On a décidé avec l'équipe de faire pas tous les dimanches quand même, mais un smoothie où vous nous donnez les ingrédients que vous voulez qu'on mette dedans et on le boit juste pour sceller notre amitié. Alors il faut nous dire après avoir vu la vidéo si on dispense Yannick Vomito ou pas, parce que là c'est pas possible pour moi. Yannick du Standard, est-ce que tu peux nous dire quelques jours après comment tu l'as vécu? Très mal, très très mal, parce que quand je suis rentré le soir, franchement je sentais mauvais. Oh. J'ai pris 3 douches avant de sentir bon quand même. Mais moi aussi, il y avait du monde dans mon ventre, hein, quand je suis rentré quand même dimanche soir. Excusez-moi les gars, vous avez dégoûté la France. Sachez-le. Allez voir la vidéo, vous serez encore plus dégoûté. Pokélost. Pokélost. Sur Fun Radio. Allez voir la dernière vidéo qu'on vous a mis sur la chaîne Marion et Enzo. C'est le Poké Lost où une maman panique complètement. Tu sais, elle est du Luxembourg. Enfin, lui est du Luxembourg, ah elle, oui. elle est de France. Ouais. Et du coup, elle sait absolument pas comment aller récupérer son fils. Oh bah, c'est sympa, c'est drôle. Hein. Elle paniquait, la pauvre. Ouais, la pauvre, mais ça, c'est bien fini. On joue avec Enzo ce soir. Il habite à Rives-de-Gier. Bonsoir, Enzo. Salut. Ça va, Enzo? Ça va et vous? Bah ouais, t'es dans la rue, là, dis-moi. Ouais, bah je suis dehors. Hein. D'accord, fais attention parce que j'ai l'impression qu'on est près d'une route. Ouais, je me suis éloigné de la route quand même, mais ouais. Bon, ça va, t'as quel âge toi? J'ai 17 ans. 17 ans, d'accord, et on joue avec qui, papa ou maman? Avec maman. Ok, alors du coup, tu vas faire croire à maman que tu t'es perdu en jouant à Pokémon Go? Ouais, c'est ça, exactement, je vais faire croire que je me suis perdu en jouant à Pokémon, vu qu'elle sait que je suis tout le temps à Pokémon. D'accord. Et si du coup t'arrives à lui faire croire ça et qu'elle vienne te chercher, tu gagneras ton enceinte JBL Pulse afin de surprendre tous tes amis lors d'une fiesta. Waouh! Juste, est-ce qu'elle est du genre à paniquer vite, maman? Ça dépend des fois. Bon, et bah écoute, là tu donnes tout. Je veux de la panique, je veux du cri, je veux de l'énervement, je veux qu'on se marre, ok? Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, Enzo, on appelle maman. Elle s'appelle comment? Marine. Marine. Comment s'appelle ta maman déjà, Marion? Colette. Ah, coucou, ma coucou. Ça, c'est tout, ma coucou. Allô? Allô? Oui. Je t'appelle, j'ai un petit problème. T'as perdu ton téléphone? Ben non, je t'appelle avec mon téléphone. Non, tu m'appelles en numéro privé. Oui, mais c'est mon téléphone qui bug, c'est pour ça. Non, j'ai un autre problème un peu, à peu près aussi grave, en fait. C'est ça. J'étais en train de jouer à Pokémon. Et du coup, j'ai été sur Synthé parce qu'il y avait des bons Pokémon, tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait un Pikachu, tu sais, vers les trains, tout ça. Donc du coup, j'ai fait du stop avec un collègue. Et ben, je suis un peu perdu parce qu'il nous a posé dans une campagne vers Synthé. Je sais à peine où c'est. Il y a des gens chelous en plus. Attends, on reprend depuis le début. T'es où? Je suis dans une campagne entre Synthé et les trains. T'es pas sérieux, là? Dis-moi juste, tu rigoles? Non. Et il y avait un Pikachu, maman. Enzo, dis-moi pas. Oui. C'est quoi? Oh, attends. Oh, attends. Oh putain, t'es avec qui? Je suis avec un pote. Qui? Tu connais pas? Enzo, tu m'appelles, tu me dis je suis parti pour un Pikachu. Ah ben stop, je sais pas ce que tu me racontes avec quelqu'un que je connais pas. Bah ouais, c'est un collègue du lycée, tu connais pas. Et ouais, ben bref, vas-y, et tu m'appelles et tu veux quoi? Bah en fait, le problème c'est que bah moi je suis bloqué là-haut, donc faudrait trouver une solution pour venir me chercher. Là que t'es en train de me faire. Mais maman, c'était un Pikachu, il y avait... Enzo, ferme-la, tu vas pas à l'école, en fait toi tu fais péter l'école, tu prends je sais pas quoi, quel bus, je sais pas quoi, du stop et je sais pas maman, quoi, et pour peur. Un Pikachu. Quoi? Maman, j'ai peur, il y a plein de gens bizarres. T'as peur, t'avais peur pour faire du stop? Mais je sais pas, j'ai vu Pikachu sur mon radar, j'ai pas cherché à comprendre. Putain, c'est une grosse blague. Et je sais pas, en plus il y a des gens bizarres, je sais pas si c'est un squad de drogués ou je sais pas, il y a plein de gens bizarres. Et faudrait que tu viennes me chercher, je sais pas comment... Je viens comment? Bah, j'ai une voiture, moi. Tu demandes à la voisine. Oh. T'es où, à l'étroit, tu m'as dit? Je sais pas, c'est entre Synthé et les trains, mais moi je sais pas où je suis, mon iPhone il est là. Et je te trouve comment? Eh ben je sais pas, télécharge Pokémon. Enzo, je vais t'éclater. Sur la tête de moi que je vais t'éclater. Oh, j'ai pas assez de problèmes pour que tu me fasses chier avec tes Pokémon de merde. Bah si, mais je sais pas, moi j'ai été à Saint-Étienne, j'ai vu Pikachu, j'ai pas cherché à comprendre et voilà. Mais non. Léo, attends, Léo, va voir si elle est chez elle. Va frapper chez la voisine, va demander, va voir. Dépêche. Va, va me dire s'il y a la voisine chez elle. Enzo, écoute-moi bien. Je vais te tuer. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai plein de problèmes. On est en déménagement. Il y a plein de soucis. Tu me casses les couilles pour un Pikachu? Mais non, Pikachu, il est rare. Mais c'est vrai qu'il est rare. Mais je m'en tape. Bon, j'ai bien peur qu'on dérange la voisine pour rien. Oui, il est tard quand même. Bonsoir, Marine. Allô? Oui, bonsoir Marine, t'as vu, elle s'est détendue d'un coup. Marine, on vous aurait pas un peu créé un saignement de nez là? Non, j'ai juste mal au ventre, c'est qui? Alors, enchantée, c'est Marion et Enzo et vous êtes en direct sur Fun Radio. Tout ceci était une énorme blague! Oh putain! Oui. Alors évidemment, Enzo n'est pas perdu, hein, mais il est effectivement à l'extérieur à cette heure-ci. T'es où d'ailleurs, Enzo là? Eh ben, je suis en ville, je cherche des Pokémon. D'accord. Et non, je vais te tuer, j'ai mal au ventre, je suis trop pied et tout. Et oh, mais t'as pas de honte? Oula. Non, mais c'était une blague, Marine. Voilà, il a voulu se divertir un peu et puis il pensait pas que vous alliez réagir comme ça, que ça allait vous inquiéter autant, surtout. Hein. Ouais, non, mais quand même, là, il abuse. Non, mais Marine, en plus, c'était pour gagner un gros cadeau, une enceinte JBL Pulse qui vaut quasiment 500 euros en plus. Hein. Ouais, alors, bah écoutez. Je suis partagée parce qu'elle a pas dit ok, j'arrive. Ouais, mais bon, la pauvre, elle a eu le cœur dans les chaussettes. Ouais, et elle a dit quand même, elle va frapper chez la voisine. Donc, on dit quoi, l'équipe? Bah, on dit que la voisine est libérée, c'est gagné! Ouais, ouais. Bravo! Ah, c'est super cool. Marine, bon, on ne tue personne ce soir, d'accord? Ouais. Pas si, un peu quand même. Non, je suis désolée, là, j'arrive pas à me... Non, mais c'est nous, on est désolés. On pensait pas que vous alliez réagir comme ça, mais vous êtes une super maman, très responsable, et on vous félicite. Merci. Allez, on vous souhaite un bon déménagement et on vous souhaite de prendre une petite douche pour la transpiration. Ouais, il faut, merci beaucoup. On vous embrasse tous les deux. Au revoir, merci. Bisous. Le Pokélost revient demain, les amis, et dans un instant, ça y est, nous allons parler quoi, Enzo? On va parler de cul. Merci, tu le dis bien. On va parler cul avec Emma qui nous a appelé parce qu'elle a un plan cul. Ça se passe bien, mais son plan cul, à chaque fois, il fait un truc qui l'énerve. Je vous dis pas quoi. Ouais. Un peu de suspense parce qu'on aime bien faire du teasing dans cette émission. 01 42 48 5000, si vous aussi vous avez des histoires comme ça un peu chelou avec vos plans cul, on en parle juste après Pitbull et Florida, là, sur Fun. On aime bien ce son. Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. That means that we can do anything, anything that you dream. I wanna make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between, I'm getting loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Lego. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out. Rally strikes, Cindy 500, bye bye. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Si vous venez de tomber sur Fun Radio, les gars, et ben vous tombez au bon moment. Restez là, les amis, puisque ça y est, on va parler cul. On va parler cul avec Emma. Emma, elle nous a appelé parce qu'elle a un souci avec son plan cul. Alors, c'est pas vraiment un souci, c'est plutôt une pratique. Elle sait pas si cette pratique est normale ou pas. Elle va tout nous expliquer. Bonsoir, Emma. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Bonsoir à tous. Comment vas-tu, petite Emma? Ça va très bien. Alors, raconte-nous cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait, ce plan cul? Bah, il est très bien. Mm-hmm. Alors, donc, j'aurais changé. Ça fait combien de temps que tu le fréquentes? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, d'accord. C'est un ami ou c'est un mec que tu as rencontré comme ça sur une appli? Non, c'était un mec d'une appli, puis bon, c'est devenu... D'accord. Un ami. Ton plan cul. Ok. Mais Emma, excuse-moi, t'es à côté de quelqu'un qui a un sous-rythme cardiaque. On entend des bip-bip. Ouais, c'est vrai qu'on entend des bips. Non, c'est peut-être le voisin. Je sais pas. Bon. Écoute, parle bien dans ton téléphone, chérie, ça devrait le faire. Alors, du coup, ça y est, tu t'es mis à coucher avec. Combien de fois par semaine à peu près ou par mois? C'est 2-3 fois par semaine maximum. Ah, quand même, 6 mois, 2-3 fois par semaine, on n'est plus sur un plan cul quand même là. Bah, si. Bah attends. Bah s'ils font que ça, c'est un plan cul, hein. Vous faites rien d'autre à côté, pas de resto, pas de cinéma, rien. Non. Mais je veux dire, tu vois le mec 3 fois par semaine, toutes les semaines. Ouais. C'est qu'il y a quand même un délire, quoi. Bah c'est un plan cul amélioré. Bon. C'est un bon plan cul. Qu'est-ce qui fait qu'il te dérange, Emma? En fait, à chaque fois, c'est soit à l'hôtel, soit chez lui. Mmh. Et il me donne à chaque fois 20 euros pour soi-disant payer le taxi. Oh non. Ah oui, voilà, c'est pas classe. Alors toi, tu le vois en fait comme une rémunération, quoi. Bah j'ai l'impression d'être une pute, quoi. Bah attends, après moi je trouve ça assez prévoyant de sa part de te payer le retour. Non, c'est gentil, mais du coup j'ai l'impression ouais d'avoir un comme un boulot, quoi, d'être une pute. Et mais pourquoi tu dors pas chez lui? Bah parce que c'est pas le but d'un plan cul. Enfin, on finit notre affaire, on se dit au revoir. Et ah bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, ça m'arrive de dormir avec mes plans cul. Ah ouais, bon? Bah oui. Bon. Ah, c'est dégueulasse. Ah, non. Je te cache pas tout le temps, mais il y en a un, quand je l'aime bien, je dors avec lui. Oui, mais parce que tu veux que ça devienne ton mec. Ouais, j'aimerais bien. Ah là, mais sinon, en temps normal, ton plan cul, tu dors pas avec, quand même. Bah non. Non, mais en général, je vais chez les mecs et je pars, en fait. Je les laisse pas dormir chez moi. Et toi, tu dors pas chez eux non plus? Non, enfin, ça dépend. Bon, Emma, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit sondage auprès des auditeurs qui nous écoutent, voir si c'est normal ou pas, si c'est une règle à suivre. Moi, je te dis franchement, je trouve qu'au moins le mec, bah, voilà, il fait attention à toi, il te fait venir chez lui, donc voilà, il te paye le retour, c'est la moindre des choses, tu vois. Je le vois pas du tout comme prostitution ou quoi, franchement, déjà, il te donnerait plus si c'était le cas. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est un gros radin. Et puis, je sais pas, tu vas pas tout perdre non plus. Si tu devais payer le taxi à chaque fois, franchement, ce serait la merde. Donc. C'est mon avis, on va demander aux auditeurs 01 42 48 5000 et aussi si vous pensez qu'il y a des règles à suivre pour qu'un plan cul fonctionne. Ah oui. Parce qu'avec Anso, on a des différents à ce sujet. Elle pense des trucs, moi je pense autre chose. Du coup, petit débat sur Fun Radio, ça va être sympa. Oh, ça va saigner. Allez, bougez pas, on revient. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux. Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Non, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok. T'as hérité? Non, 295 euros par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes. À partir de 295 euros par mois, sans apport, sur 36 mois, entretien inclus. Mini. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors? Bah, tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW série 1 est à partir de 275 euros par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies. Exemple de loyer pour une BMW 1/14D 3 portes première start édition en location longue durée sur 36 mois pour 40 000 km. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 octobre 2016. Détails sur bmw.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. I love you, Fun Radio. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio, le son dance floor. Let's go. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Mettez Fun Radio à fond. Fun Radio. Le son dance floor. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. On va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show sur Fun Radio. Et on parle cul avec Emma qui nous a appelé parce qu'elle a un plan cul. Emma, ça se passe bien, ça fait 6 mois qu'ils se voient, à peu près 2-3 fois par semaine. En général, elle va chez lui ou à l'hôtel. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il lui file 20 balles. Du coup, bah voilà, il lui dit que c'est pour le retour. Nous, on trouve ça assez normal pour le taxi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit elle qui paye à chaque fois. Ouais. Mais elle, elle vit ça un peu comme une rémunération. Elle se sent un peu pute, ce sont ses mots. C'est là, ça va Emma, t'es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Merci en tout cas d'employer exactement le mot, les mots que tout le monde emploie. Bah oui. Alors Bichette, on a eu pas mal de réactions, on en a parlé entre nous. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Non. Moi, je pense que justement, il te respecte et que sincèrement, il a envie de t'aider. Il a pas envie de te prendre pour une conne et il a juste envie de te payer ça, quoi. Il te paye déjà pas de resto, pas de verre. Vous êtes juste un plan cul. Donc, c'est la moindre des choses. Après, je suis d'accord avec Marion et Emma, mais ça veut aussi dire, le gars, il se cache un peu derrière ce billet de 20 balles, genre en mode, je suis classe, je te paye le retour, mais j'ai surtout pas envie que tu restes. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça aussi, hein. Mais en même temps, j'avais pas vu ça comme ça. Emma, t'as pas non plus envie forcément de rester, toi. Non, en vrai, on n'en a jamais parlé. Enfin, c'est un plan cul, on était d'accord là-dessus. On s'est pas dit on va aller plus loin. Bon, bah, c'est là où c'est pas encore venu. Bah, du coup, Emma, si ça te dérange, trouve un autre plan cul et puis sois pauvre. Parce que du coup, les retours, tu les paieras toi-même. Si c'est un bon coup. Ah oui, si c'est un bon coup, alors le lâche pas si c'est un bon coup. C'est un bon coup, Emma, ou pas? Bah, quand même, ouais, ça va. Oh. Disons que bon, je vais pas dire que j'ai jamais eu mieux. Ouais. Et j'ai eu pire. Donc, j'ai pas envie de retomber sur pire. Ouais, puis je suis désolée si c'est son seul défaut de te payer le retour, ça va quand même, il y a pire. Hein. Ouais. Voilà, c'est vrai. Pas... Mais... On est tombé sur plus goujat. Oui. C'est vrai, mais j'en ai déjà parlé. Que du coup, c'était. Je me sentais pas à l'aise, justement, qu'il te payait à chaque fois le retour. Et lui, il pense comme vous, genre, c'est normal. Et je me suis dit. Voilà, je ne vais pas dire clairement, j'avais l'impression d'être une... Bon. Bichette, tu sais ce qu'on va faire? On va demander aux auditeurs leur avis. Je pense que t'es pas la seule à avoir du mal comme ça à fixer des règles avec un plan cul parce que c'est toujours un peu compliqué, un peu délicat. Et avec Anne-Sophie, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur un truc. Ouais. Moi, je pense que déjà la première règle de base, hein, pour avoir un bon plan cul, il faut que ce soit quelqu'un qui n'ait pas de tabou sexuel. Parce que si tu peux pas t'amuser avec ton plan cul, tu le feras avec personne. Ça, c'est évident. C'est la première chose. Et pour moi, la deuxième règle pour que ça fonctionne, je suis désolée, je sais que vous allez pas être d'accord, mais pour moi, il y a une notion d'exclusivité. Parce que moi, je suis désolée, mais avoir un plan cul, ok, on se met pas en couple, avoir un plan cul qui va voir le lundi une autre et le jeudi une autre et machin, ça me dégoûte en fait. Mais ça n'a absolument aucun sens. Mais ça me dégoûte. C'est là où on n'est pas du tout d'accord. Le principe du plan cul, c'est que tu te retrouves pour faire l'amour, mais rien d'autre. Et ben voilà. Donc, tu peux pas imposer une fidélité. C'est impossible. Mais tu peux ne pas te mettre en couple et juste. Pourquoi il a besoin d'aller voir 600 meufs? T'es là? T'es son plan cul? Mais parce qu'il a besoin d'avoir d'autres plans cul. Ah bon, si d'accord, il a besoin en couple avec toi, ça n'a aucun sens. Quel intérêt? Mais t'as aucune jugeote. Mais non, mais le mec, il peut ne pas avoir envie de se mettre en couple. Je suis désolée, juste avoir envie de kiffer et de prendre du bon temps sans pour autant aller voir 600 meufs à la fois. C'est une question de respect en fait. Bah non, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je vois plusieurs garçons et t'es pas juste obligé d'en parler. Évidemment, j'en ai un qui est préféré et il y en a un que j'aimerais, avec qui j'aimerais que ça aille plus loin et qu'on se mette ensemble. Alors, si on se met ensemble, j'arrêterai d'aller voir ailleurs. Mais comme pour le moment, on se voit juste que pour du cul, tant qu'il m'invite pas au resto, j'ai le droit d'aller voir qui je veux. D'accord, tu lui dis De quoi? Comment ça, je lui dis? Bah, que tu vois d'autres mecs à côté? Non, j'ai pas du tout envie qu'il me dise qu'il voit d'autres meufs. Ça veut dire que si tu vois d'autres mecs, lui, en gros, il te suffit pas, quoi. Si, c'est ça. Comme du coup, il n'y a pas plus, je me dis que peut-être qu'avec un autre, ça ira avec. Je sais pas, mais pourquoi t'as besoin de 14 tubs? T'as une tub à volonté, tu peux l'appeler tous les jours si tu veux, quel intérêt? Je rectifie devant la France entière, parce que je suis pas comme ça, j'en ai pas 14, j'en ai que 12. Ouais. Mais tu sais, si t'en as un à dispo, je veux dire, c'est ton plan cul, c'est fait pour ça, vous pouvez vous appeler quand vous voulez, pourquoi aller en voir d'autres? Alors, et comment je fais quand il part en déplacement? Là, ok, et tu peux pas attendre une semaine? Ah mais quand il part en déplacement, un mois et demi. Bon, là, je comprends. Ah, oui, Enzo. Enzo, elle a peut-être une offre, une tub achetée, une tub offerte. Attends, un peu de respect. Moi, je fais ça parce que je me respecte et je respecte les autres. Mais je peux pas imposer quelque chose que je fais pas moi. Je peux pas dire à quelqu'un, sois-moi fidèle dans le cul. Tu vois, Moi, ça me dégoûte. Dites-nous votre avis, là, si vous pensez que Enzo a raison ou que c'est moi. Mais c'est moi. Oh, voilà. Dis donc, c'était un débat animé. Hein. On a Damien de Tours qui nous a appelé. Bonsoir, Damien. Salut les filles, salut tout le monde. Salut. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Bah, ça va, impeccable. Bon, c'est quoi pour toi la règle là qui fait qu'un plan cul peut fonctionner ou pas? Pour moi, franchement, la règle primordiale, c'est vraiment, que la fille laisse absolument pas les soutiens-gorge ou les culottes, qu'elle doit vraiment tout prendre et repartir directement. D'accord. C'est vrai que c'est un peu salaud, mais enfin voilà, quoi, vraiment pour pas être grillé le lendemain ou si jamais t'as une relation de couple, parce que ça m'est déjà arrivé. Que en fait, Damien, là c'est pas du plan cul, là, ça veut dire que t'as une maîtresse si jamais t'es en couple et que tu vois quelqu'un. Ouais, non, mais justement, parce que moi, enfin juste comme ça. J'avais eu comment dire une relation de couple en fait à ce moment-là, et en fait la fille venait comment dire le samedi soir, Et en fait, moi, j'étais obligé, enfin, je suis obligé d'aller voir ailleurs quand je suis en boîte de nuit, des trucs comme ça, le vendredi soir. Bah, du coup, j'ai rencontré une fille. je suis pas obligé, mais en fait, je suis vraiment tenté tout le temps d'aller voir un peu ailleurs. Et du coup, le vendredi soir, j'ai croisé, une fille. Et après, bah, ça s'est fait dans la soirée. Mmh. Et pour moi, c'était clair et net que je lui avais dit que absolument qu'il fallait qu'elle oublie absolument rien. Oui, bah là, et que je voilà, pour pas me faire griller, quoi. Bien sûr. Bon, bah là, c'est logique pour pas se faire griller. Mais en général, quand t'as un plan cul et que t'as pas de meuf ou de mec à côté, tu t'en fous si elle oublie une culotte, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, comment je vais rejoindre un mec pas, je vais pas avec ma valise. Ouais. C'est vrai. Mais c'est la règle d'or pour moi. C'est vraiment que la fille n'oublie absolument rien chez moi quand elle repart. Eh bien, Damien, nous t'avons entendu. Merci de nous avoir appris. Bisous, Damien. Merci à vous. Bisous. Je voudrais donner la parole à Thibaut à l'arrêt parce que je trouve qu'il a une règle assez judicieuse. Ah ben oui. C'est quoi pour toi? Mais on n'embrasse pas un plan cul, c'est-à-dire que pour se dire au revoir un plan cul, tu check, tu fais un regard de loin, tu fais un délire, mais jamais de gros bisous, jamais de roulage de pelle, non. C'est mort. Alors, ça dépend. Je suis partagée aussi. Moi aussi, ça dépend. Moi, il y en a avec l'un d'eux. Si. Mais avec les autres, en règle générale, ouais, j'aime pas trop. Le truc, c'est que tu sais pas quoi faire. Tu sais pas si tu fais la bise, si tu smack. Du coup, tu fais quoi? Tu check, tu fais. Enfin, t'es perdu, quoi. En règle générale, moi, je pars. On prend souvent le métro ensemble et je prends l'arrêt d'avant et je dis salut et je pars. C'est horrible. Bah non. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses, Amir? La première fois que vous voyez ou après? Non, après. Une fois que t'as couché avec ton plan cul, qu'est-ce que tu fais pour dire au revoir? Est-ce que t'embrasses? T'embrasses pas? Tu check? Tu peux embrasser? Ah, je pense que tu peux embrasser. 20 minutes avant, t'as fait pire. Donc ça va, le bisou, c'est pas la question. C'est un signe d'attachement et c'est un signe d'affection, le bisou, tu vois. Ça veut quand même dire il y a une suite. Bah non, alors il faut être cash tout de suite après par SMS. Bah, je t'ai embrassé, mais je veux pas de toi. Attends, Amir, il a des étapes reloues, lui, après. Moi, il y a un protocole à respecter. De toute façon, ça, c'est compliqué, il n'y a pas de règle. Le bisou, on ne sait jamais quoi faire. Même quand t'arrives chez un plan cul, tu sais pas si tu le smacks ou pas, je suis désolée. Ou alors, tu fais hyper simple, tire là, la fille part, tu la prends, tu prends sa tête, tu lui fais un bisou, mais genre entre lèvres, quoi. Enfin, bouche, joue. Sur le côté mi-lèvres, mi-bouche, quoi. Voilà, bah, plan cul, quoi. Oui, Thibaut. Moi, j'avais une putain de technique qui marchait à chaque fois. C'est genre que j'arrivais au téléphone, je mettais mes écouteurs, et genre, je suis désolée, je suis au téléphone, et du coup, tu passes le stade du bonjour, tu vois. T'es déjà dans le truc. Mais le revoir. Et bah, tu fais pareil. Le relou, tout le temps au téléphone. Bon, dites-nous ce que vous en pensez. 01 42 48 5000. On a Bastien à Amiens. Bonsoir, Bastien. Salut les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors dis-nous, est-ce que tu as une règle pour qu'un plan cul fonctionne, toi ou pas? Il ne faut qu'elle sache jamais rien sur moi. Pas de nom, pas de prénom, pas de numéro de téléphone, pas d'adresse mail, pas de Facebook, rien du tout. Comment tu te contactes, mec? Ah bah, à la base, tu commences sur une application, mais après, tu donnes plus rien. Tu as un deuxième téléphone portable que pour les plans cul, que tu utilises que pour les plans cul. Non mais attendez, un peu de respect quand même, c'est pas des bouts de viande les meufs là, elle a le droit à savoir certaines choses sur le mec avec qui elle couche. Moi j'ai un pote à qui c'est arrivé, elle s'est accrochée, il avait laissé plein de choses sur lui, elle lui a cassé les couilles. Non mais attends, moi elle ne sait rien du tout. Bastien, je suis d'accord avec toi, mais quand même quand tu partages un plan cul, tu peux aussi quand même partager ta vie, tu peux raconter ce qui se passe dans ta vie, tu peux te marrer, histoire que ce soit un peu amélioré, que ce soit sympa. Ah non, non, non. Bonjour, bim, au revoir. Oh, c'est horrible. Ah, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non plus. Faut qu'elle sache rien du tout. Mais non, mais ça, c'est justement pas respectueux. Justement là, le coup du plan cul, sinon après, tu commences une relation, ça devient un peu plus qu'un plan cul. Non, plan cul de base. T'es pas obligé de passer d'une relation, tu passes juste un bon moment où tu te marres avec quelqu'un, et en plus, tu couches ensemble, et après, tu t'en vas. Mais tu partages parce que c'est... Ah, mais tu peux rigoler sans lui raconter ta vie. Mais je suis désolée, le prénom et tout, elle a besoin de le savoir. Enfin, je sais pas, elle va pas coucher avec un inconnu. Tu donnes un faux prénom. Cela dit, moi qui suis sur Tinder, il y a beaucoup de mecs qui mentent sur leur prénom et leur âge aussi. Mais c'est parce qu'ils sont en couple. Ouais, c'est possible. Bah oui, c'est sûr. Bon bah écoute, on t'a entendu Bastien, je suis pas forcément d'accord, l'équipe non plus, mais merci de nous avoir appelé. Pas de soucis. Bisous Bastien. Allez, bisous. Bisous. Bon. Finalement Emma, tu t'en sors pas si mal je crois. Oui. Non, c'est vrai qu'en fait je suis pas trop mal là. Continue comme ça et si vraiment ça t'embête, bah tu lui dis que t'as envie d'arrêter. Tu lui dis écoute, ton argent j'en veux pas, ça me fait chier et puis voilà, tout simplement. Okay. Est-ce que tu veux un conseil de pépère sur les plans cul? Peut-être que lui, il a une règle ou quelque chose. Ça te dit ou pas? Oh oui. Bah ouais, vous savez les filles, hein, pépère, il a jamais eu besoin de plans cul. Hein. Il a déjà mes mères, papa, maman, mon cousin, mon chien, ma cousine. Oh non. Bah oui. Mec, pourquoi tu vas trop loin comme Et comment tu lui dis au revoir à maman, pépère? Bah je lui crache dans la gueule. Oh, oh. Mais pourquoi bah quoi, moi qui a fait ça, peut goûter un peu, Tidej. Fatigue. Et puis... Parfois, elle s'en met dans les poches. Mais hey. Un peu donné à ses copines. Emma, on t'embrasse, ma chérie. Moi aussi. Bonne soirée. Bisous. Adrien Thomas, bonsoir. Salut. Comment ça va? Ça va très très bien. Ah bah je te vois te gousser, ça te fait marrer ça. Hein. Ouais, ça me fait marrer, ouais. Qu'est-ce qui te fait marrer? Alors les plans cul, comment ça se passe? Quoi, là, on parle des plans cul. En fait, on parle des règles pour qu'un plan cul fonctionne. Pour toi, c'est quoi la règle de base? Est-ce que, je sais pas moi, il faut qu'il aille voir personne d'autre? Il faut que tu saches rien d'elle? Est-ce qu'il faut pas s'embrasser? Ouais. C'est quoi la règle? Mais les deux premières, j'avoue que c'est con, mais tu peux être jaloux d'un... Merci. Non mais c'est vrai. Je dis pas que je suis pas jalouse, parce que je suis jalouse quand mon plan cul a d'autres plans cul. Et bah donc voilà, ça te fait du mal. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir un plan cul si c'est pour en plus te rendre malade? Mais parce que je peux pas lui demander ça alors qu'on n'est pas en couple. Mais enfin, si tu fais pareil pour lui. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que si. Mais il va pas te frapper si tu lui demandes. Oui. Mais non, mais surtout on se dit rien, il fait ce qu'il veut. Oh, oh la barre. Ah, mais comme ça, ça m'énerve. Et ben voilà, ben ça te fait chier quand même. Je suis avec toi, moi, pareil. Je te comprends. Voilà, mais après, c'est vrai que quand on demande, mais la personne va te dire, effectivement, bah, ça ne se regarde pas. Donc c'est très vexant, en fait. Oh, bichon. C'est le problème. T'en as une vie difficile. Je suis sûr, il a souffert avec des plans cul, lui. Ouais, bah encore tout à l'heure. Oh, enfin, Alors. Si, il a une tête là de cœur brisé comme mais ça. Non, je suis sûr, c'est lui qui les fait toutes souffrir. Comment ça va en ce moment, la vie de couple, Adrien? Ah, on en parle vraiment à l'antenne? Oui. Bah oui, on sent bien que t'en as gros sur la patate. D'accord. Non, écoute, ça va super bien. Je suis très heureux. Voilà. Épanoui. Ouais, je suis épanoui. Ça se voit. Seul, mais épanoui. Oh, bébé. Ouais, mais t'as des plans cul. Non, mais alors, tu sais quoi, avec Anso, je pense qu'on se comprend totalement là-dessus, parce qu'on a un peu la même situation. Hein, ouais, complètement, finalement. Mon chat. Voilà. Bah, Anso, elle est un peu en galère depuis 3 semaines, hein. Alors, on n'est pas dans la même situation. Non, deux semaines. Ah, excuse-moi. Ça commence à être difficile. Bon, les gars, on va se retrouver demain en direct sur Fun Radio à partir de 22h. Adrien Thomas est avec vous pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Ouais. Et pourquoi je prends cette action du Sud, je ne sais pas. En tout cas, en direct demain dès 22h, vous pouvez toujours continuer à réagir avec le hashtag Le Night Show, bien évidemment. Yes. Bruno dans la radio sera là pour vous réveiller entre 6h et 9h demain. Ah, donc c'est maintenant, les cigales. Hein. D'accord. Et puis, on termine en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? Ciao. On était content d'être là. Merci beaucoup. P-A-R-T-Y-F-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N P-A-R-T-Y-F-U-N Party Fun. Welcome to the biggest club in France. Bienvenue sur Fun Radio, bonsoir à tous, minuit 5, t'as pas envie de parler avec cette intro. Mais c'est clair ouais. Et j'ai juste une question avant de démarrer l'émission, qu'est-ce que c'est que ce dossier devant moi là, un grand verre avec... C'est l'élixir d'amour. C'est un filtre d'amour, tu peux en boire? Non, vous en avez bu? Ah oui. Enso, oui. Moi j'en ai bu, ouais. Moi j'ai goûté. Et alors? Bah c'est pas mal. Ouais. Ça se boit, franchement, vas-y. Hein. Bah, c'est pas mal. Ah oui, non, mais je sens, en fait, il y a que de l'alcool. Hein. Non, de l'eau. Non. Il y a de l'eau. De l'eau. Oui, et il y a de la poudre du paradis. Voilà. Ça se boit, les roses? Oui, ça se boit. D'où l'eau de rose, donc, c'est ça? Exactement. D'accord, très bien. Bon, t'as qu'à demander à un fleuriste, mec. Hein. Bon, ce soir, le nouveau Cachemire, et puis aussi Cigala pour démarrer cette émission. Avec, bah tiens, Give Me Your Love. Bim, je l'ai devant moi, là, le petit truc. Là. Allez. Ah, ça sonne bien. À demain, bisous. Bisous. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. I'm bleeding. Give me your love. You can't treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. If I warned you that the fire's gonna burn, Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. J'adore ce morceau. Dimitri Vegas et Like Mike, Stay a While dans Party Fun sur Fun Radio. C'est Adrien Thomas, bonne soirée tout le monde, profitez bien. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Alors soit sur Snapchat, mon pseudo c'est Adrien Thomas, T-O-M-A. Vous me faites une photo là direct si vous êtes en voiture, dans votre camion, peut-être en train de bosser. Je veux tout savoir qu'est-ce que vous faites en écoutant la radio. Ou alors si vous voulez, on vous rappelle gratos. Il suffit de nous laisser votre numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook Party Fun. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis vous pourrez choisir un son avec moi en direct à l'antenne avant 1h du matin. Au programme ce soir, on va continuer avec le nouveau Bakermat que je vous ai fait découvrir hier soir, qui s'appelle Zoomer. Vous me l'avez redemandé ce soir, donc évidemment qu'on va se le réécouter. Et puis Tiesto et John Legend, Summer Night, remixé par The Him. Bonne soirée sur Fun Radio, c'est parti Fun jusqu'à 1h. Summer nights, getting high like the first time. You and I, making love forever. Summer nights, getting high like the first time. You and I, making love forever. Summer